Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Hey! Hey! Oh! Salut tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Dom pis Nick? Super bien, super. Ah, en fait, ça va pas vraiment bien, personne. Parce que Nick a la grippe, il s'est mis un beau petit foulard. Puis moi, je fais de la fièvre, puis je suis sur bord de perdre connaissance. Puis Bruno, il a perdu la voix. Puis là, il est en train de la retrouver tranquillement, mais il peut pas prendre, il peut pas faire des notes aiguës. C'est quand je fais des notes aiguës, ça part tout de suite. Exact. Puis Jeff s'est fait circoncir la semaine passée, puis ça guérit pas pantoune. Ouais, ça saigne encore un peu, là. Ça chauffe. Ils ont comme enlevé un bout de trop, tu disais. Ouais, je sais pas, ils ont coupé vraiment sa croche, là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais là, faut qu'on explique. T'as bien. Non, mais il y aurait peut-être du monde qui aurait pu penser que c'est vrai. On sait jamais. J'étais assez drette pas mal, là. Ouais. faut qu'on explique ce qui s'est passé avec Rétro Nouveau, avec l'autre Nick. Ben Nick oui, Chalifou. Nick Chalifou. En fait, Nick travaille pour une grosse compagnie de jeux vidéo. Et la compagnie elle-même préférait que Nick, vu qu'il est porte-parole, vu qu'il est représentant, puis qu'il va peut-être être amené à être porte-parole. La compagnie voulait pas qu'il participe à des émissions comme la nôtre et puis même les Power Chasers de Carl Robert. Fait que Nick est maintenant coupé de tout de YouTube puis de la scène podcasteuse. Exact. Jusqu'à pour toujours. Jusqu'à nouvel ordre. Alors c'est plate là, on avait tout annoncé ça puis la grosse affaire puis là déjà on change les plans. Mais bon, en tout cas, on a décidé qu'on allait rester 3. Oui. Moi, je vais couvrir tout le rétro. C'est sûr qu'il va y avoir moins de Genesis puis de 64 comme d'habitude, mais je vais essayer de me forcer. Je vais essayer d'en mettre un peu. Oui, certain. Ouais. Puis, feu Nick Chalifou. Exact. Feu. Puis Nick, puis toi, Bruno, vous allez couvrir le Next Gen. Exact. Aussi, Nick, il peut sortir du rétro. Je peux faire ce qu'il faut. Là. C'est ça. Fait que Rétro Nouveau, ça va être nous trois dorénavant. Oui. Donc voilà, on est prêts à l'action. Oui. Yes, hein. Et puis ce soir, on est allé à l'événement Nintendo. Y a-tu un nom cet événement-là? Cet événement-là. Moi, je pense que c'est l'événement de préparation Noël. Là, où Dans le lunch, il y avait des boules de Noël puis des affaires au chocolat. Des petites de Noël. Spéciales des fêtes. Oui, exact. Exact. J'ai bien aimé les tourtières. Oui. Ah, ouais. Il y avait des mini tourtières, là, c'était très dur à manger. Okay. Mais c'était bon, là, c'était écœurant. Oui, hein, c'était salé. C'était la seule affaire salée. Oui. Parce que le reste, c'était tout du nanane puis du chocolat. Moi, j'étais un petit peu déçu. Là, j'avais comme besoin de sel. Il y a eu des pizzas froides, mais le monde... Ah, c'est dépiolasse. Là, je vais le dire aujourd'hui. Là, les pizzas froides, pas de fromage, les pâtes aux tomates. Là. Ah! C'est dégueulasse. Moi, je me suis pitché là-dessus. Ben ouais, je sais. On dirait, le monde, il aime ça. Je comprends vraiment pas. Ben, je comprendrai jamais ça. C'est une belle boule réconfortante dans l'estomac. Tu sais, ça bouche un coin, là, c'est clair. Là. C'est la tomate. Ah, c'est clair. Non, moi, je suis pas capable. J'ai pas mangé ça. Puis les petites olives qui traînaient autour des affaires de tomates avec la louche. Ça chanterait bien qu'ils ont été mis là avec des mains qui ont joué à 8 autres jeux avant. C'est clair. Ah non, À quoi vous avez joué? Qu'est-ce que vous avez aimé, les gars? Hey, moi, sérieusement, là, voleur de show complet là, que je m'attendais pas, Captain Toad. Ouais. Ouais, c'était le fun. Super surprenant. Hey, en fait, c'est vraiment bon. Vraiment le spin-off là, du mode là, qu'il y avait dans Mario. Dans, Super Mario 3D World. 3D World, mais différents, nouvelle twist. Oui. Nouvelle twist, mais aussi visuellement, sérieusement, j'ai rien vu comme ça encore sur la Wii U. Là. C'était vraiment beau, c'était riche. Moi, j'ai fait un niveau, c'était un cube, puis tu te promènes au travers du genre de cube, là, finalement. Ouais. Tu rentres dans des murs, puis dans le fond, t'as rien que deux. Tu utilises les deux analogues, un pour avancer, puis l'autre pour changer l'angle de la caméra, que tu peux changer aussi en bougeant ton pad. Ouais. Fait que, that's it, pas d'autre chose. Ça, c'était bien. C'est comme un petit puzzle, labyrinthe. Ouais. Là. C'était bien, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai essayé un tableau sur rail aussi. Il faut que tu regardes dans ton pad, puis que tu lances des radis comme dans Mario 2. C'était comme un first-person shooter. Genre, ouais. Shooter! Mais j'ai aimé ça. Mais c'était vraiment bon. Là. Si j'avais une Wii U, puis que j'avais rien à jouer, puis c'est le cas. Ah non, c'est pas vrai. Je suis plus au courant, mais ça serait un must, ça. Sérieux, ça serait vraiment un must. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est ça ce qui était le fun, c'est qu'en allant à l'événement ce soir, je trouvais qu'il y avait il y avait trois killer apps à l'événement ce soir. Il y avait ça, Il y avait Bayonetta 2. Ah, c'était hot, c'était hot. Quand j'ai adoré ça. C'est assez incroyable. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment un bon jeu. Moi, je vais faire une critique complète de ça à Monsieur Net la semaine prochaine. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de faire ma critique. Hack and slash, super beau, rapide. Moi, ça me rappelait Metal Gear Rising, Revengeance. Ouais. Parce que c'est la même compagnie, dans le fond. C'est Platinum. C'est ça, c'est Platinum Games qui ont fait ça. On voyait dans les cinématiques les références. Ben, pas les références, mais tu vois que c'est la même compagnie. Là. Ouais. Puis moi, j'ai adoré Metal Gear. Fait que ça a l'air vraiment plus complet encore. C'est bien fait. Ouais. C'est le fun, l'histoire. Il y a une belle humour dans ce jeu-là. Oui, c'est vraiment. C'est amusant, tu sais, tu regardes ça puis t'es entertainé, comme on peut dire. Là, exact. Ça fait exactement la job. Totalement. C'est over the top, mais je trouve que c'est tellement loin dans le ridicule. Que c'est ça qui est hot. C'est ça qui est hot, c'est ça qui est assumé, drôle, puis c'est assumé, puis c'est pas grave, parce qu'il y a bien du monde qui vont chialer en regardant Bayonetta, direct en partant, qui vont dire comment mauvaise image de la femme, puis tout ça, puis nanana. Ouais. Mais c'est vraiment assumé dans Bayonetta, puis ils savent que c'est ridicule, puis ils déconnent avec ça, puis ils vont loin avec ça, puis c'est drôle. Mm-hmm. Puis c'est pas la seule chose non plus que le jeu a à offrir. Le jeu, il y a vraiment un gameplay écœurant. Exact. J'ai vraiment l'impression que c'est le même engin de Revengeance, parce que j'ai senti des moves, des façons de bouger qui étaient pareilles. Pis c'est drôle parce que la station était comme dans un coin, elle faisait face à un mur parce qu'il y avait des enfants à l'événement, tu sais. Ouais. On voulait pas que les enfants voient des filles tout nues, pis des fesses qui branlent, puis des gros seins, tu sais. Mais oui. Fait que je savais même pas qu'il y avait ça. Moi, c'est Nick Chalifou qui était sur place lui aussi qui m'a dit ça. Fait que je suis content de pas l'avoir raté. C'était vraiment bon. Puis sinon, moi, j'ai joué à NES Remix 2. Oui. Je me suis amusé. J'ai pété Medusa à Kid Icarus. J'ai impressionné le staff. T'as pas eu un glitch, je pense. J'ai trouvé le safe spot où se mettre pour que, genre, tu te fasses jamais toucher. Fait que j'ai juste pouvoir poivrer la méduse dans l'œil. Fait que c'était bien impressionnant. Le staff t'a regardé puis capoté. Ah ouais, c'est clair. Yeah! Ils m'ont soulevé dans les airs. J'ai enlevé mon chandail. On m'a tiré des bûches de Noël. Il y avait aussi Super Smash, évidemment, pour Wii U. Ouais. T'as joué pas mal. Toi, Nick, je pense que t'as joué plus que nous. Ouais, écoute, c'était vraiment impressionnant parce qu'il a fait un setup. Tu peux jouer jusqu'à 8, là, on s'aperçoit de ça. Puis là, il y avait un setup à 6. Et il y avait d'ailleurs l'adaptateur avec les manettes de GameCube là, qui vont sortir dans un package X là, bientôt. Fait que c'était vraiment le fun. Puis là, c'était un des favoris de la foule. Là. C'était vraiment impressionnant. Ah ouais. Le monde criait. Puis, Puis il y a vraiment combat quand il y a du monde. Tu sais. Puis c'est comme autant la version 3DS que j'avais fait la revue était vraiment fantastique. Mais ça, on s'entend, c'est la Wii U, c'est beau. Et le chaos à l'écran de 6 avec quand t'es sur un méga écran, c'est comme. C'est vraiment impressionnant. À 8, ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Tu as de la misère à voir ton personnage, mais il y a des petites affaires le fun. Tu peux nommer ton personnage. Fait que là, t'as un nom en haut de ton personnage, là, tu vois ton nom. Fait que c'est vraiment bien, mais tu sais, c'est rapide, c'est beau. Honnêtement, là, j'ai vraiment hâte qu'il sorte là, ce jeu-là. Là, puis ça va être un killer. Là. Puis en plus, là, ils ont annoncé récemment qu'il y avait un lien entre les deux 3DS. Oui. Puis, tu vas avoir Mewtwo comme dans Downloadable si t'as les deux versions. Oh. Fait que ça, gratuit. Fait qu'en tout cas, moi. Eh non, puis moi j'ai entendu qu'il y aurait des modes classiques dans le jeu, dans le fond, qui présenteraient les personnages. Admettons que tu veux jouer avec Kid Icarus, mais que tu veux montrer à ton enfant d'où vient Kid Icarus. Ouais, ouais. Fait que tu as une légère démo de l'original du jeu Kid Icarus sur NES pour ensuite aller l'acheter. Ça, sur c'est le hot. Hein? Je trouve ça écœurant. C'est du jamais vu, ça, en fait. Là, t'sais, mais beau c'est feature. Incroyable. Puis il y a. Moi, c'est ça que j'aime de Smash, c'est qu'on dirait qu'il y a des nouvelles de même. Oui, mais on dirait qu'il y a des nouvelles comme ça sans arrêt depuis des mois qui sont comme « Ah, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Ouais. » Ils rajoutent tout le temps du stock. Fait que je veux dire, j'ai l'impression que la version finale à laquelle on va jouer, il y a plein d'affaires qu'on n'aura jamais eues sur la 3DS qui vont faire que les deux versions vont être très différentes quand même. Ouais. C'est surtout ça, moi, que j'ai hâte de voir. C'est ça le pire. J'ai même pas si hâte de jouer au jeu à cause que j'ai tellement joué à la version 3DS. Ouais. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi les surprises, c'est quoi les affaires qui ont amené plus ça. Là. Mais très bon jeu. Mm-hmm. Puis aussi, j'ai joué à Sonic Boom. Ouais. Le nouveau Sonic, toi aussi, Nick, t'as joué. J'ai essayé ça. Moi, j'ai pas joué. Ben, Bruno, il lâchait pas. Chaque fois que je me revirais, t'étais en train de jouer. Puis plusieurs fois dans la soirée, fait que j'ai pas pu jouer. Pas grave. Je suis un gros fan de Sonic, puis j'ai tout le temps espoir qu'il va avoir un bon. T'sais, le dernier Sonic qu'il y avait eu sur la Wii U était pas très bon finalement. Il y avait des bons bouts, mais c'était pas incroyable. Puis là, celle-là, tu vois vraiment que c'est une autre équipe qui est derrière ce jeu-là, que ça ressemble plus à des 3D platformers classiques. Ouais. Ouais, ouais. C'est des gars qui ont travaillé sur Ratchet & Clank puis Jak & Daxter, ça paraît. Ça paraît, hein. Il y a vraiment une petite je sais pas, air de famille, là, tu regardes ça. Puis c'est aussi un new school Sonic, tu sais, vous avez vu le redesign des personnages. Ouais. Knuckles, là, qui il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas. Knuckles, il pousse du fer ces week-ends. Moi, j'ai aimé le look au début. Quand j'ai vu ça sur papier, les nouveaux personnages, je trouvais pas super, mais dans le jeu, ça passe bien, puis c'est pas trop fatigant à l'œil, vraiment. Non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une série animée aussi. Ouais, exact. Mais c'est les personnages de la série animée, exact. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi de cette série-là, c'est que c'est vraiment drôle, c'est bien écrit. Ouais. Moi, une affaire de Sonic qui m'a jamais plu, c'est souvent l'histoire puis la façon qu'il amène l'histoire, tout ça. Mm-hmm. Dans le dernier qui est sorti sur Wii U, il y avait quand même une histoire intéressante, mais il allait pas très profond, puis les personnages étaient pas drôles. Là-dedans, c'est vraiment comique. À un moment donné, il y a une scène dans démo. C'est à la fin de la démo complètement. Tu cours. Là, t'arrives dehors à un moment donné, puis là, tu regardes le paysage. Il y a plein d'affaires. C'est super beau. T'es avec la fille, que je me souviens plus son nom, la fille Rose. Puis là, la fille Rose, elle fait comme « Hey, on n'arrête pas de courir, on n'arrête pas de parler vite, tout ça. On va arrêter pour regarder le paysage. » Puis là, regarde le paysage, puis là, tu vois Sonic qui est en arrière, qui est comme « What the fuck? » Puis là, il arrive pour y taper sur l'épaule, il fait comme « Non, peut-être pas. » Là, il attend. La fille, elle dit « OK, c'est correct, on peut y aller. » Il fait comme « Enfin, c'était quoi ça? » Puis il repart, tu sais. Fait que je trouve ça drôle, c'est sympathique. Le jeu comme tel, et tu vois que c'est pas fini. C'était vraiment un build démo. Il n'y avait pas tous les personnages qu'on pouvait jouer. Tu vois qu'il y a quelque chose là, il n'était pas final. Il y avait vraiment, c'est pas encore une version release, comme on pourrait dire. Il y a du travail à faire, mais c'est prometteur, moi, je trouve. C'est très prometteur. J'ai beaucoup aimé la bataille de boss. Il y avait une bataille de boss avec Eggman qui était vraiment le fun. La grosse nouveauté dans ce Sonic-là, c'est le on y appelait ça comment? C'était un plasma beam ou je sais pas un trop. Un lasso, genre. Ça ressemble à un lasso, à un fouet, finalement. Mm-hmm. Fait que là, tu peux courir, tu peux faire tous les moves de Sonic, mais en plus, tu peux utiliser ton fouet pour agripper des personnages, les lancer sur d'autres. Ouais. Tu peux aussi t'agripper pour descendre à quelque part, te promener. Fait que ça amène bien des affaires, sérieusement, de très différents jeux-là. Fait que c'est le fun. Puis ils ont gardé le côté Sonic 2D quand même dans un univers 3D. Fait que c'est le fun. Ils s'éloignent pas trop de ça. Tu vois que quand ils le font, les gens l'acceptent pas. Fait que c'est pas pire. Ils ont gardé ce côté-là quand même. Ça m'a fait penser au meilleur moment de Generations par bout. Fait que je me suis dit, bon, hein, il y a quelque chose, tu sais, ça va être bon, mais c'est ça. On est peut-être pas là encore. Mais c'est ça, somme toute, c'était un bon événement. C'était un bon événement. Puis l'univers de Nintendo est tellement beau, là, tu sais. Tous les jeux sont superbes, je trouve. C'est magnifique à regarder. C'est rafraîchissant. Vous checkez les figurines Amiibo qui étaient là? Ils sont super beaux. C'est vraiment beau. C'est différent d'un Skylander, disons. Je suis impressionné. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont collectionner. Juste les figurines. Exact, les figurines. Pas nécessairement pour les jeux. Ah non, c'est ça. Ça va se vendre là, comme des petits pains. Ouais, ça, c'est clair. Des beaux petits pains. Chaud. Très chaud. Mais ouais, c'était magnifique. Puis merci encore à Nintendo de cette invitation. On a adoré notre passage. Yes. D'ailleurs, on met-tu de quoi au clair? Ben ouais, ben on va en parler avant le show. Faisons pas de blanche. Ouais, non, c'est ça. Parce que toi, Nick, t'es conjoint de fait avec Julie Gagnon, la représentante de Nintendo que plusieurs d'entre vous connaissez. Depuis plusieurs années, en effet. Là. Depuis très longtemps. Vous avez même des enfants ensemble. Exact, vous avez fait ça. On a fait ça. voilà, on pensait que c'était important que le monde le sache. Moi, je pense que c'est important que le monde le sache. Là. En fait, moi, je vais garder mon objectivité dans tout ça, mais on sait qu'avec tout ce qui se passe là, sur le web, le Gamergate, etc., je pense que c'est important qu'on dise exactement les choses comme elles le sont. Puis, c'est ça. Puis, de toute façon, toi, tu travailles pas pour Nintendo. Non, je travaille aucunement pour Nintendo. Ça altère pas ton opinion d'aucune façon. C'est ça, je travaille pas pour aucune compagnie de jeux vidéo. C'est ça, aucune compagnie de jeux vidéo. Exactement. Non plus, donc, Ouais, j'espère que les bins Saint-Raisin vont pas. C'est une compagnie, man. Ouais. Mais ils sont bonnes en tabarnouche. Je les conseille le matin, peut-être l'après-midi. On peut snacker devant la TV avec les bins Saint-Raisin. C'est délicieux. Man. Les bins Saint-Raisin. C'est bonnement trademark là-dessus, man. Hashtag les bins Saint-Raisin. Moi, je veux parler. Il y a un autre bullet point important. Non, attends, avant ça, je veux parler des cassettes du Seigneur. Ben, c'est ça. Ok, excuse. Je pensais que tu parlais de l'autre bullet point. Fait que, ouais, dimanche prochain, le 2 novembre. Oui. Peut-être c'est passé pour certains d'entre vous, mais ceux qui sont live, vous le saurez. J'organise une vente éclair à mon local de 1h à 4h. J'ai appelé ça les cassettes du Seigneur, parce que c'est dimanche, le jour du Seigneur. C'est drôle. Puis, c'est ça, là. C'est drôle. J'ai été très, très occupé à la job au cours des trois dernières semaines. Fait que j'ai pas eu le temps de vendre beaucoup de choses. Puis là, j'ai un surplus d'inventaire, comme on dit dans le monde de la vente. Puis là, j'ai plus de place. Puis c'est ça, les bretelles de vendeurs. Le monde de la vente. Puis faut que ça parte. Fait que venez faire un tour dimanche. J'ai plein d'affaires. J'ai beaucoup de jeux NES en boîte. J'ai une 3DO que vous avez vu se faire jouer dessus. Et puis, quoi d'autre? J'ai bien des jeux de Saturne. Sérieux, j'ai vraiment de tout. Ben du Genesis des affaires Game Boy. Rares, là, que tu nous as montré. Une grosse batch de jeux PlayStation 1. Des beaux jeux là-dedans. Fait que DuckTales 2 au Game Boy. Gargoyles Quest 2 Complete. Vraiment clean au NES. C'est cœur. Des jeux de plusieurs centaines de dollars. Fait que venez voir ça. Je vous attends en grand nombre. C'est rare. En fait, ce qu'il y a de spécial, c'est que je vais être ouvert la fin de semaine. Je suis jamais disponible la fin de semaine. Mais là, je vais l'être. Ah, donc, si vous habitez à Terrebonne, Mascouche, whatever, ou que c'est pas trop loin, puis que pour une fois, vous voulez passer au magasin, puis vous pouvez jamais la semaine parce que vous travaillez, ben vous pourrez le faire. C'est l'occasion. Exact. De toute façon, Jésus peut attendre. Jésus attendra. D'ailleurs, moi, je suis né le 25 décembre. C'est ça, mais c'est pour ça que... Fait que j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec l'image de Jésus. C'est mon bro. Puis pour terminer la conclusion, dans le fond, je voulais faire un petit shout-out à M. Pierre-Luc Perrault. Ça, c'est un gars de la Beauce, Frampton, Saint-Édouard de Frampton. Okay. Donc, on allait à la même école secondaire ensemble et on jouait au hockey mineur ensemble. Il était notre gardien de but. Il était un excellent gardien de but. C'est puis, tu sais, moi, j'ai quitté la Beauce à 17 ans puis j'ai perdu contact avec tout ce monde-là. Puis là, lui, la semaine passée, out of nowhere, il m'écrit sur Facebook, il dit « Hey, j'écoute tes affaires de rétro nouveau, puis c'est malade, je me sens comme un enfant, je fais jouer ça au magasin, puis tout, puis je trippe, tu sais. » Puis, tu sais, comme... Puis lui, il est comme bodybuilder, là. Il est beef, là. Puis il y a une shop de produits pour se beefer puis se bodybuilder, là. C'est bol. Fait que, tu sais, le bodybuilding, le hockey, la bosse, je trouve que ça fait pas jeu vidéo pendant tout, tu sais. Puis comme lui... Non, mais c'est vrai. Pis out of nowhere, tu sais, il arrive puis il tripe ses jeux vidéo. Puis il écoute notre affaire puis il aime ça. Fait que c'est tellement comme un lien qui est loin. Ça démontre, je trouve, la belle portée de Rétro Nouveau. Ouais. C'est magnifique. À travers les régions du Québec, la campagne. Ah, c'est fantastique. C'est la campagne, la Beauce, pour ça. Il aime pas ça quand on dit ça. Mais c'est ça. Donc, merci de nous écouter, tout le monde en région et tout le monde qui sont loin. C'est vraiment génial. Merci, Pierre-Luc. Très, très apprécié. Et sérieusement, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous dire allô, whatever. Sérieux, ben oui. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Des fois, les gens sont portée, tellement gênés. Si vous êtes en Belgique, en France ou au Nunavut, faites-nous signe. Parce qu'il y en a des fois. Il y en a en France. Puis quand ils nous écrivent ça, des fois, moi, il y en a qui écrivent avec le même parler québécois. Puis après ça, tu sais, je check dans leur profil sur Twitter. Puis là, genre, c'est écrit Lyon, France. Wow! Tu sais, c'est incroyable. Mais ils aiment tellement, justement, ils aiment l'accent québécois. Fait que c'est génial. C'est génial. Ouais. C'est fantastique. La magie du web. Ouais. Rétro Nouveau International. Yeah! Fait que on passe en jeu. Oui, tu vas faire ton premier jeu. C'est mon premier jeu. C'est un jeu de Genesis. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Genesis. Ah, tu veux? Tantôt, on disait pas de Genesis. Exact. J'ai la dernière soirée Papa Cassette. Des fois, ça arrive, il y a du monde qui m'amène du stock. Tu sais, oh, j'ai des jeux comme ça. Ouais. Là, j'en ai acheté une coupe. Puis au travers, il y avait ça. Steel Empire, un jeu au Genesis. C'est un shmup au Genesis. Puis ça, je le cherchais depuis un bout parce qu'il paraît que c'est un excellent shmup. Steampunk dans le look. Ouais. T'as le choix à être entre un genre de dirigeable ou un petit avion. Puis, tu sais, c'est l'empire du métal. Là. Fait que tout est en métal. Tu sais, c'est des grosses machines. C'est très Metal Slug au niveau du look. Là. C'est pointe aux drames, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça pue, puis il y a du métal partout. Les raffineries, le métal, Metalhead, la dépression. Exact. j'ai le goût de jouer, continuer. Puis c'est ça, c'est un jeu, j'ai vu que c'est un jeu de Flying Edge, puis est-ce que je me souviens, Flying Edge avait fait Raiden Trad aussi, que je pense qu'il est correct, mais il y a un jeu de Marvel juste en arrière de toi là-bas, Spider-Man, X-Men, puis pareil que c'est de la merde. Ouais. D'ailleurs, je l'ai à vendre, j'en ai deux copies. Mais Flying Edge, tout ça pour dire, ils n'ont pas fait grand-chose de bon, mais ça, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Puis le gameplay, c'est side-scrolling, comme on dit. Man, il l'a au Game Boy, puis il l'a ben, au 3DS. Ils l'ont ressorti, ça. En fait, il l'a eu au Game Boy Advance en Europe. Puis ils l'ont ressorti téléchargeable sur la 3DS présentement. Okay. Donc, si vous voulez l'essayer, c'est possible. Je trouve que le graphisme est grandement amélioré. Ça fait encore plus Metal Slug. C'est comme vraiment impressionnant là, de voir. T'es sûr que c'est le même jeu. Fait que c'est ça. C'est un jeu à déplacement horizontal. C'est quoi le terme en français, Bruno? Un jeu à déplacement horizontal, tu le dis bien. Sur rail. Ouais, ce serait un jeu. Ben, c'est pas vraiment sur rail parce que c'est, ben, un, ça avance, c'est un jeu de tir à l'horizontale. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rail, ça avance tout seul. That's it. Puis, c'est ça. Au niveau des power-ups, tu peux avoir deux petits avions de chaque côté de toi et c'est pas mal tout. Okay. Mais tu montes de niveau. Ça, c'est weird pour un shmup, je trouve. Ben oui, mais c'est weird. Plus que tu avances, plus que tu montes de niveau, puis plus tes balles y grossissent. C'est cool, mais en même temps, moi, je suis habitué, mettons, à, je sais pas, à Gradius, tu sais, tu mets les bombes, t'as des bombes. Tu mets telle affaire, t'as des grosses affaires. Là, c'est très discret, là. C'est pas explosif du tout, l'armement là-dedans. Puis toutes les balles des ennemis, c'est des petits picots, là. Tu sais, souvent, les balles, ils flashent, on les voit bien. Mais là, on voit pas grand-chose, tu sais. Ben ça, c'est même à l'écran, parce qu'il y a comme une espèce de lignage dedans, dégueulasse. Ouais, ça, c'est au Genesis, mais ça, c'est un tableau souterrain qui ont mis un lignage dedans. Ils ont fait exprès. OK, pour donner l'impression que c'est sombre. Exact. Oh. Puis les séquences de jeu entre les niveaux, ça fait, tu sais, comme une vieille caméra qui fait de même, là, qui clignote brune. 35 mm. Ouais, mais ça clignote un peu trop, sérieux. On voit plus rien, là, c'est vraiment dégueulasse. C'est ça qui t'a donné ton mal de cœur. C'est ça. Fait que c'est ça, non, mais regarde, c'est super bien fait. Ouais. Il y a des grosses forteresses volantes en arrière-plan qui reviennent en avant-plan à un moment donné. Nous, l'histoire là-dedans, je m'en souviens plus trop, mais bien sûr, la Terre est prise par tout un organisme de machines. Okay. Nous autres, on a une forteresse volante, puis on vit là. Puis à un moment donné, notre forteresse volante, notre gros vaisseau volant, se fait attaquer en arrière-plan par les méchants. Là, il se fait descendre à côté de nous autres pendant que toi, tu fais la guerre. Tu sais, ça a un petit côté... c'est cool. Ouais. C'est cool. c'est émotif. Puis à la fin, t'es comme en tabarnak. Fait que là, tu descends, tu vas dans la base ennemie. Puis là, il y a un méga canon là-dedans qui te chope dans l'espace. Okay. Fait que là, le dernier niveau se passe dans l'espace. Ça, c'est très... la musique est très lunaire. Hey, dans là, l'espace. T'sais. Ouais. Mais c'est bien fait, ça aussi. Puis au final, ce qui te plate un peu aussi, c'est qu'il y a des boss qui se répètent. Beaucoup, beaucoup de boss se répètent. Le boss de la fin, c'est une petite chose. Tu sais, juste avant, t'as une grosse affaire. Tu sais, l'Albatros. Ben, je viens de montrer celui-là, puis je m'en vais plus loin. C'est un autre boss, puis c'est la même affaire. Ben, ce boss-là, là, qui est très gros, qui fait penser à l'Albatros dans Bionic Commando au NES, et il revient plusieurs fois. Faut que tu pètes plusieurs parties. Tu vas en haut, tu vas en avant, tu vas en dessous. Puis à un moment donné, faut que tu te faufiles dans une petite craque là, pour tirer. Puis c'est correct, mais il revient souvent. Je trouvais ça un peu plat. Ah, puis j'ai oublié de mentionner aussi, t'as deux façons de tirer là-dedans. Par en avant, puis par en arrière. Ah, ça, c'est That's génial. That's it. Puis t'as des attaques spéciales aussi, mais pas souvent, des grosses bombes comme dans tous les chemins. OK. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate, les boss qui reviennent un peu. Le boss de fin, il est comme minable, là. Il est minus, mais il devient difficile. Moi, je l'ai passé à normal. J'ai pas eu une misère. J'ai pris deux continues, je pense. Il m'en restait encore deux autres. Fait que c'est un jeu à essayer à hard pour les initiés. Mais si vous voyez ça, achetez-le, absolument. En fait, allez donc le télécharger là, immédiatement sur 3DS. C'est à peu près une heure. C'est quand même très fort pour un shmup. Ouais. C'est le gars, il meurt pas long, tôt. Là, tu vois, ici, il descend là, dans la base de la fin. Là, il est dans la barre Max. Ses amis sont fait tuer. Puis c'est ça. Donc, ça vaut la peine. J'ai pas regardé le prix, mais ça vaut vraiment la peine. Il est sur 3DS. Puis ça devrait faire partie de votre collection de shmup au Genesis. Absolument. Puis ben, je l'ai vu aussi sur attends une minute, il y avait Game Boy Advance, Amiga aussi. Amiga? Oui, Amiga. Steel Empire Amiga, je l'ai direct site. Au 3DS, il vaut 30$ le jeu. Aïe, aïe, ok. Sur le Nintendo eShop, là. Ouais. Wow, ok, c'est pas donné. Hein? Ah non, non, mais c'est un jeu complet. Ouais. C'est un shmup complet. Mais à 30$, je trouve ça très, très cher, par exemple. Hein? Ouais, hein. Quand tu dis que la version Genesis, elle en vaut 15-20 complete, là. Ok, Steel Empire sur Amiga, c'est un autre jeu. Ah ouais, hein, c'est pas ça pour tout. C'est un SimCity, là. Mais je regarde, tu sais, le look and feel, là, ça me fait penser un peu à UN Squadron, en fait, comme film. Absolument. Puis l'avion, puis le blimp, le dirigeable, ils ont des attaques au sol. L'avion, c'est cool, ça, il lâche comme plein de petites balle. Là, okay. Ils tombent une en arrière de l'autre. Mais ça fait comme un oiseau qui chie sur un char. Ça m'a plu, ça. Parce qu'au début, t'en as pas. Ça m'a rejoint, ça. Ça me revient. J'ai un char, il y a des oiseaux chez nous. Non, mais parce que c'est efficace. C'est très, très efficace. Puis plus que tu montes de niveau, plus que ça chie, elle est comme puissante, puis elle couvre large. Tu sais. Donc, moi, je dirais, prenez l'avion. Elle est moins résistante, mais elle est plus rapide. Ouais. Puis cette chier-là est plus forte. Puis c'est un simulateur de goéland, dans le fond. En oui, même temps, il y a de l'air d'un oiseau aussi. Donc, très, très heureux d'avoir ce jeu-là. Shit Empire. That's it. Bien, génial. Bon. On continue en musique avec le thème d'Excitebike au NES. Nick, t'allais nous parler d'un jeu de combat. Ouais, moi je vais parler de Persona 4 Arena Ultimax. Oh yeah! C'est un jeu de combat. C'est ça, c'est pas un RPG de Persona. Non. En fait, c'est un spin-off de la série Persona, en fait. Okay. C'est Shin Megami Tensei Persona, qui est des RPG là, qui roulent depuis une couple d'années. Le 3, le 2 était sorti. Le 3, le 4 était sorti au PS2. J'ai celui-là ici, PlayStation. Version PlayStation. Fait que t'as le 1. Atlus. Revelation. Fait que tu vois, ça, là, c'est une vieille série. Puis on décide de faire un jeu de combat avec ça. Puis c'est un co-développement entre Atlus, qui faisait Persona, puis Arc System. Arc System, dans le monde des jeux de combat, on les connaît pour Guilty Gear, Blaze Blue. Puis ça paraît qu'ils ont travaillé là-dessus parce que... C'est hot, Blaze Blue, hein? Ah oui, c'est très cool. Ouais, mais c'est ce jeu-là, Persona, il y a vraiment des allures de ces deux jeux-là, tu sais. Arc System, en même temps, c'est une vieille compagnie qui roule leur boss depuis un grand bout. Là. Papa Cassette, tu vas aimer ça. C'est eux qui ont travaillé sur Double Dragon au Master System puis Final Lap au NES. Fait qu'ils faisaient du développement dans les années 80. Malade. Ouais, c'est un bon Double Dragon, celui au Master System. Beaucoup de monde disent que c'est le meilleur. Ouais. Probablement sur console, le premier. Ouais. Puis c'est quoi Final Lap au NES? Ouais. Final Lap au NES. C'est un jeu que tu trouves souvent sur des cassettes 32 dans 1. C'est un jeu de Famicom. C'est comme un jeu de course que tu peux oublier. Là, finalement. Anyway, il était là dans le temps. Il l'a pas sur les jeux US, là, sûrement. Hein? Mm. Attends, je regarde tout de suite, continue. Ouais, fait que grosso modo, c'est vraiment bien. C'est comme une suite directe de Persona 4 Arena qu'il y avait eu. Vous voyez ça comme c'est la magie des jeux de combat, là, comme Street Fighter, qui a Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Mortal Kombat, qui a Complete Edition, tu sais. Là, c'est Persona 4, Ultimax, tu sais. Mais il y a vraiment une grosse différence, tu sais. On a passé de 13 personnages, ils ont rajouté 8 nouveaux personnages. Dans cette version-là, il y a 3 personnages qui sont DLC. Une des affaires le fun qu'ils ont faites pour favoriser les ventes du jour 1, tu sais. C'est vraiment de... Ils donnaient 2 personnages gratuits en DLC. Okay. Si tu as été téléchargé avant le 20 octobre. Il est trop tard, malheureusement. Mais moi, j'en ai profité. C'est plate à dire, mais j'ai trouvé que c'était une belle initiative. Okay? Mais désolé pour les auditeurs, c'est terminé tout ça. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment beau comme jeu. Écoutez, tu sais, c'est des sprites 2D. Vraiment... Ouais, il y a un esprit old school là-dessus. C'est du PS3... King of Fighters, hein? Exactement. PS3, Xbox 360. Fait que là, c'est du 720p de personnages dessinés à la main. C'est superbe. C'est vraiment beau. L'ambiance est beau, c'est coloré. Il y a un background semi-3D qui est là, mais qui n'est pas dérangeant. Il y a quand même des choses qui se passent. Tout l'habillage, les interfaces, c'est très beau. C'est ultra japonais. C'est très, très nippon, dans le fond. Là, tu regardes tu reconnais tout de suite, OK, ça, c'est un jeu de combat japonais qui s'adresse quand même à une clientèle assez ciblée. Là, je vais vous parler un peu du jeu, le gameplay. Moi, j'ai fait l'erreur de rentrer dans le jeu puis de commencer à jouer. Puis là, ça avait l'air facile, mais c'est pas pantoute facile. C'est comme vraiment compliqué. Là, je suis retourné dans le tutoriel. Okay. Je vous recommande vraiment de commencer par le tutoriel parce que il y a comme 60 moves de base dans cette affaire-là. De base? C'est complètement fou parce que imaginez une mécanique que vous avez déjà eue dans un jeu de combat. Un up. Okay, ouais. Dans ce jeu-là, il y a un up. Okay? Il y a un jump. Il y a un double jump. Puis il y a un high jump. Là, c'est comme... C'est 4 types de sauts juste pour ça. C'est juste le saut, là. Là, il y a des dodge, il y a des counter-attack. c'est très complexe comme système. Je pense que je serais pas capable de jouer à ça. C'est pas pour les néophytes. Non, c'est ça. Par contre, bon, il y a quand même des affaires qui ont fait pour favoriser le néophyte, en fait. Il y a un bouton, si tu utilises le bouton léger puis tu le mâches 4-5 fois, tu vas avoir un combo vraiment satisfaisant. T'sais. Okay. C'est possible de breaker ce combo-là, mais ça donne quelque chose. Ils ont aussi essayé d'introduire des mécaniques où tu tiens ton bouton une couple de secondes, puis ça va te donner un super move. Mais au-delà de ça, c'est un beau jeu de combat. C'est complexe, mais plus qu'on passe de temps, plus on aime, on en veut plus. Là-dedans, dans le fond, t'as le persona là, qui est comme l'extension de ton âme, si tu veux. Okay. C'est comme tout à peu près des jeunes qui sont là, puis qui se battent avec le persona, qui est vraiment une grosse bébite. Ça peut ressembler à un Ultraman. À un moment donné, ça ressemble à un Goldorak ou un Gundam. Des fois, il y a comme une toute petite créature. C'est vraiment très varié en fonction des combattants. Ils sont tous très variés. Le look est magnifique. Moi, tu sais, comme tu t'identifies tout de suite quelqu'un que tu trouves sympathique. Moi, j'ai un petit faible pour Marie, qui est comme une genre de fausse française japonaise. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Tous les gameplays, ils ont toute une base de moves. C'est pas très compliqué à apprendre. Mais quand tu sais c'est quoi les moves c'est de base. Les moves de base, là, ça c'est ça qui est le plus dur, mais une fois que tu sais ça, bon, apprendre les spécificités des personnages, c'est pas si pire. Okay. Mais ils sont tous très différents. C'est vraiment agréable. Tu sais, le combat, c'est très très rapide. Si vous êtes un fan de Street Fighter ou si vous êtes un fan de Mortal Kombat, ça se peut que vous ne retrouviez pas là-dedans. Si vous aimez Blaze Blue, si vous aimez Capcom vs Marvel, des trucs vraiment rapides, King of the Fighters aussi. Ouais. On va aller avec ça. Des fois, tu arrives à des combos, c'est très permissif. Tu arrives à 36 hits, mais c'est vraiment le fun. Plus qu'on joue, plus on aime ça. T'as-tu checké en ligne un peu? Ouais, j'ai essayé en ligne. Ça doit être rough. C'est très rough parce que ce jeu-là est, comme je dis, c'est la nouvelle version de Persona 4 Arena qui est sortie il y a deux ans. C'est les pros qui achètent les pros jouent à ça d'un tournoi. Je pense que les pros jouent à ça d'un tournoi. Présentement, c'est un bon moment pour commencer avec Persona 4 Arena Ultimax parce qu'il y a des nouveaux joueurs comme moi. Moi, j'avais pas joué à l'autre, je commence. Mais en ligne, t'as aussi le gars qui fait deux ans qui joue. Pis c'est ça. Il va te tapocher en tabarnouche. Un des features incroyables que j'ai trouvé, là, c'est une exclusivité à PlayStation 3, c'est que le mode en ligne, là, tu rentres dans une arcade virtuelle. Tu as un petit bonhomme, un avatar que tu te promènes, puis tu vas tasser une bande d'arcade pour jouer contre quelqu'un. Okay. Fait que tu le vois, tu commences ta game, tu fais une game, là tu joues, puis là t'as comme un petit émoticon que tu peux dire quand t'es pas content parce que t'as perdu. C'est vraiment, c'est vraiment charmant, là, honnêtement. Là. Oui. Si tu veux jouer beaucoup, beaucoup de parties de suite, c'est pas le meilleur outil, mais c'est juste le fun. C'est vraiment, pour ceux qui ont connu l'arcade, là, c'est exactement ça. Ouais. Tu vas tasser à côté d'un dude, tu bats contre lui. Si tu le bats, tu peux faire un petit sourire ou quelque chose. C'est vraiment le fun. Ça, c'est exclusivité à PS3, malheureusement, parce que ça utilise le PlayStation Network à fond. Oh, oui. Mais le mode en ligne, il est vraiment agréable. Je n'ai pas senti une latence. C'est bien fait. Honnêtement, il y a une amélioration du code en ligne par rapport à Persona 4 Arena, ce que je lisais. Okay. Mais non, c'est vraiment le fun. La seule affaire, c'est que, comme j'ai dit, le skill cap, qu'on pourrait dire, est très élevé. Ça prend des gens qui ont des bons réflexes, des compétences. Faut que vous vouliez investir plusieurs heures dans ce jeu-là. Ouais. Mais par contre, ça vaut vraiment la peine. Okay. Peut-être une petite note finalement pour quelque chose que j'ai trouvé un petit peu plus faible pour moi, mais qui va sûrement plaire aux fans de la série RPG Persona. Il y a un mode d'histoire, OK, qui prend en gros les personnages de Persona 3 et Persona 4, puis qui a comme deux histoires parallèles, puis si on finit les deux, on va avoir la vraie fin. Ah. Moi, j'ai trouvé ça un peu ennuyant parce que il n'y a pas vraiment de combat là-dedans. C'est vraiment des histoires. C'est comme si je lisais une BD dans un sens. Mais dans Persona, il y a énormément de textes, donc... Ouais, mais là, il y a énormément de textes, tu sais, puis c'est des textes, bon, peut-être, moi, ça vient moins me chercher, là. On s'entend qu'il y a beaucoup de... d'écoliers là-dedans, puis la réalité est un peu différente. Mais si vous êtes fan de la série, c'est certain que vous allez apprécier parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts. C'est un très beau jeu. Puis tu sais, les personnages sont vraiment intéressants, sont complexes. C'est un superbe jeu. Moi, la portion histoire, elle est pas venue me chercher. Okay. Si vous êtes un fan de la série RPG, c'est certain que vous allez aimer ça. Fait grosso modo... c'est vraiment, vraiment un beau produit. Moi, je le conseille, en fait, là, à tout le monde qui aime les jeux de combat très, très pointus. Oui. C'est niche, OK? C'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes ce genre de joueur-là, allez-y là, à 110%. C'est un excellent jeu à avoir dans votre collection. Excellent! Wow. cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux de combat récents. Ça faisait vraiment même, longtemps. Même vieux, je pense. Oui. As-tu joué un peu à Samurai Showdown, Nick, dans le temps? À l'époque, ouais. Ouais, OK. Ouais, on va faire ça. On va parler de ça éventuellement. Ouais, c'est vrai, ça. Mm-hmm. Moi aussi, j'aimerais ça un moment donné que tu parles des joysticks. Ouais. Parce que ça c'est quelque chose de complexe quand même. Puis d'un fighter, moi je trouve en tout cas personnellement, jouer avec un joystick puis jouer avec une manette, ça change complètement. Quand tu joues régulièrement console, faut que tu réhabitues sur un stick d'arcade. Ouais. Ouais. Puis moi ici on a plein d'arcades là, puis on fait rien que ça, jouer à des jeux de combat, puis tu sais, tranquillement ça rentre là. Mais C'est clair que moi j'ai utilisé mon stick pour Persona. C'est un jeu qui se porte bien à la manette parce que t'as 4 boutons en fait pour les attaques, mais un stick c'est la différence. Et quand tu t'en vas en ligne, te battre contre des dudes qui fait 2 ans qu'ils jouent intensément, le stick peut faire la différence aller chercher le petit timing. Là. Ben moi là-dessus, je vais vous parler de Counter Spy. C'est quoi ça? Counter Spy, c'est un jeu quand même, c'est fait. C'est fait par des gars qui travaillaient chez Pixar. Donc, ils ont vraiment un bon background en animation puis en design de personnages. Puis, c'est un jeu, en fait, ça m'a fait penser un peu à Rolling Thunder. Ah ouais, c'est hot, hein? Ça se passe dans le temps de la guerre froide. Attends, c'est un jeu sur quoi, ça? Ça, c'est un jeu qui est sur... iOS, quoi? Oui, ben ça peut être PS3, PS4, Vita, Android et iOS. OK, et c'est voilà. Un jeu portable. C'est un jeu portable. Ben franchement, moi, j'ai joué sur la Vita beaucoup. J'ai aussi joué sur la PS4. Sur PS4, la grosse différence, c'est que les temps de chargement sont pas mal moins longs. Ouais. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est que au début, ton personnage, tu décides d'aller du côté gauche ou du côté droit, c'est-à-dire qu'il y a justement les deux clans qui vont combattre pour des informations, puis toi, t'es un mercenaire qui va aller arrêter ces deux côtés-là, qui va arrêter finalement l'armement nucléaire, puis empêcher les missiles de partir. Fait que toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles chercher des informations qui vont finir par empêcher les plans des Soviets d'envoyer leur missile dans les airs. Soviets, tout le temps, eux autres. Fait que ce qui est le fun là-dedans, c'est que contrairement à Rolling Thunder, dont je parlais tantôt, qui est un jeu de tir de gauche à droite, ben là-dedans, c'est que tu vas aller de gauche à droite comme ça avec ton gun et tout, mais tu vas aussi, quand tu te mets à couvert, l'angle de caméra change, puis ça devient comme un peu un third-person shooter. Ça, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, puis c'est vraiment le fun, parce que justement, tu bouges ta mire pour tirer les bonhommes. Aussi, ce qui est le fun, c'est que tu débordes des améliorations pour améliorer ton personnage. Mettons, améliorer pour que tu puisses tirer des caméras blindées, parce qu'à un moment donné, il y a des caméras blindées. Les caméras qui peuvent te voir, évidemment. Il y a des lasers aussi un peu partout qui peuvent te voir. Tu peux aussi t'acheter des armes puis augmenter la force de tes armes. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment beaucoup de choses à débarrer. Puis le gameplay est le fun. Le gameplay est vraiment sérieusement écœurant. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde qui ont joué au jeu puis qui ont fait comme « Ah, c'est juste ça, c'est poche. » Parce que le jeu il peut se terminer quand même assez rapidement. Mais l'affaire qui est le fun dans ce jeu-là, c'est de le finir puis de le recommencer parce que les tableaux sont générés aléatoirement. Là. Tu vas recommencer. Okay. Puis c'est... C'est quoi le terme, donc? C'est quoi, donc, le terme? C'est ça que je cherche. Spelunky, Rogue Legacy, là, c'est... Colin. Replayability? Non, c'est... Il y a un terme pour les niveaux. Ça le dis-tu dans le chat, GF? Mais c'est aléatoire, là. C'est rendu aléatoire un peu. C'est là. Ça, ouais, c'est rendu aléatoire, mais il y a vraiment un terme. Là, et présentement, il y a des... Procédural. C'est ça que je cherchais. Fait que les niveaux sont procédurales. Fait qu'à toutes les fois que tu commences une partie, c'est toujours différent. Puis l'intelligence artificielle est très bonne. Donc, t'as quand même de la misère à faire ton niveau. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça augmente en difficulté vraiment, puis le jeu s'adapte à toi. Hmm. Fait que si t'es vraiment pourri, ben l'ordinateur va finir par être un petit peu plus pourri pour te permettre d'avancer. Si t'augmentes ton niveau, ben là, ça va être vraiment, vraiment dur. Moi, j'ai fait le niveau normal, j'ai fait le niveau vraiment difficile. Parce que toi, les niveaux pourris, man, t'es bien au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ça, man. Mais sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine. Puis, il faut que tout ça se fait avec un temps. Fait que t'es timé parce que si, si t'arrives pas à temps, ben les missiles vont partir. Ouais. Fait que faut que t'arrives à arriver à. Faut que t'arrives à la fin du niveau où il y a une espèce d'ordinateur, puis tu pèses sur un gros piton, shutdown. Ouais, fait que c'est vraiment le fun, c'est beau. Le look est hot, man. Ça me plaît tellement, là. Ça paraît que c'est de l'animation. Ça bouge là comme un film d'animation, ouais. Comme saccadé. Le personnage est comme mais quand tu le regardes, un peu pointu. Là. Quand tu le regardes, tu reconnais la séquence d'animation d'ouverture de The Incredibles. C'est ça, c'est les Incredibles, ça me fait penser. Totalement. C'est vraiment le même style, même la musique. Puis tout ça, tu vois que les gars avaient vraiment des plugs un peu partout de monde qui ont travaillé chez Pixar. C'est ça. Fait que c'est bien fait, c'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, je conseille fortement aux gens de se l'acheter. Combien ça coûte? Ça coûte... le jeu coûtait 14$ quand je l'ai eu. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. Je sais pas s'il est encore le même prix. Mais sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Pour PS Vita, pour PS4, ça vaut vraiment la peine. Je peux pas dire pour les versions mobiles parce que j'ai pas joué. Puis je sais très bien que des fois, les ça versions être, mobiles... Ouais. J'évite un peu pour ce genre de jeu-là parce que faut que t'ailles rapidement là-dedans. Puis il faut que t'aies des bons réflexes. Pis c'est le fun. Un moment donné, il y a un gun là-dedans. Ça, faut que j'en parle. Il y a un gun qui est écœurant. C'est des dards, des tranquillisants. Ouais. Tu peux tirer des ennemis, puis bon, ils tombent, ils s'endorment. Mais il y a d'autres dards que tu développes après ça. Pis c'est des dards psychotiques. Fait que là, après ça, genre, ils sont fuckés, puis ils se mettent à tirer sur tout leur chum. Ah ouais, c'est hot, ça. Puis aussi, faut que tu fasses attention. T'as comme des espèces de bulles au-dessus de leur tête. Puis contrairement à Metal Gear Solid, où ils font juste jeter l'alarme, tu vois qu'il y a un gars qui est en train de caler parce que c'est dans le temps. Fait qu'il peut pas partir la lampe tout de suite. Fait que là, il cale des renforts. Là, tu vois que ça s'en vient. Tu le shootes, finalement, il y en a plus, tu sais. Fait qu'il y a comme un niveau de stress là-dedans. Ouais, tout le temps. Un niveau d'urgence que j'ai adoré. Fait que... Pognez ça. Ben, ça a l'air bon. T'es cœur, là. Ouais. T'es cœur, hein? Le jeu est cross-buy, cross-save. PS3, PS4, PS Vita. Ah ouais. Excellente information, c'est vrai, ça. Cross. Pratique. On veut que ça soit cross-buy. Fait que c'est à mon tour à revenir déjà avec un jeu, ma foi, qui sort de l'ordinaire. Et c'est Legendary Axe au TurboGrafx-16, oh oui. Mesdames et messieurs. Hey boy! Parce que dernièrement, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode de Retro Nouveau TV 7, oui. Je me suis grayé d'un TurboGrafx-16. Puis j'ai donc mis au rencor ma Sega Master System. Puis j'ai mis ça à la place dans mon meuble. Puis j'ai envie d'explorer ça tranquillement. Faut faire attention, les jeux coûtent très cher. Donc, je vais y aller au compte-goutte quand je vais être vraiment sûr. Mais là, il te faudrait Bunk quand même. C'est venu avec Bunk's Revenge. Avec. Ouais. Non, ce qui vient avec, c'est Kid Courage. Ah, puis, oui. Bunk's Adventure est genre le jeu très commun qu'il y a partout. Mais moi, j'ai Bunk's Revenge, le 2, il vaut pas mal plus cher. C'est fun, Bunk. Moi, j'aime pas ça tant que ça. J'allais au Game Boy, mais tu sais, le Game Boy, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas tu sais, c'est pas mon genre tant que ça. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Ouais, c'est là, sur TurboGrafx, là. Ouais. Il était vraiment bien fait. C'était une série culte. Ben, pas culte, là, mais c'était une série de base de, mais, de la console. Mais ça, c'était un des jeux launch title. Si je me rappelle bien, oui. Il était dans la pub. Oui, pour il la était dans la pub. C'était avec ça qu'il clenchait Sonic puis Mario. Legendary. Bunk's? Non, pas Legendary Axe, mais Bunk's. Non, mais Legendary Axe aussi, c'était un des launch titles. Je pense que oui aussi. Genre, je sais pas si c'était un compétiteur à Zelda ou quelque chose. Là. Mm-hmm. C'est comme une aventure. On pourrait penser. Tout d'abord, avant de commencer à en parler, je vais remercier du fond du cœur Olivier Boucher. C'est lui qui m'a envoyé ce jeu-là par la poste. Il a dit « Hey, tu viens de te griller une TurboGrafx, c'est génial. Moi aussi, j'ai ça. Hey, j'ai deux Legendary Axe. Je t'en envoie un. » Le monde est vraiment gentil. Le monde sont smart. Bravo. Je suis vraiment content. La copie est super belle. Donc, merci beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, moi, au début, je pensais que c'était genre un Golden Axe. Ouais. Mais pas vraiment. C'est plus platformer que beat'em up, là, tu sais. En fait, c'est totalement platformer. T'es un bonhomme avec une hache, puis tu sacs des coups de hache. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, tu sais, c'est très... Tu sais, tu checks ça, c'est assez simple. Ça a l'air... C'est légendaire. Ça a l'air plate, quand même. Ça a l'air plate, mais c'est... Ça m'a pas fait triper en malade. Ouais. Disons que... excusez. Le Pepsi. Je me forçais pas pour jouer. Ouais. Mais, tu sais, mettons, là, la critique va être faite. Je rejouerai pas avant un bout de temps. Mais c'est ça. Je sais pas si c'est moi qu'il faut qu'il s'habitue au TurboGrafx-16. Si les jeux sont tous faits comme ça. On dirait que c'est comme un peu saccadé, tu sais, au niveau des mouvements. Mettons, il pogne une liane. Ouais. C'est raide, tu sais. Le personnage, il saute, mais il atterrit vite. J'ai comme toujours eu l'impression que le nombre d'images par seconde n'était pas le même que les autres consoles, juste pour faire différent. Peut-être, ça se peut. Là, Parce que, je sais pas, moi, je trouvais tout le temps que ça avait l'air... C'était clunky. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé avec ce jeu-là, en tout cas. Mais il va falloir que j'en essaye d'autres. En tout cas, on va pas le condamner pour ça tout de suite. Mais ça m'a fait un petit peu étrange. Là, tu vois, ici, c'est le boss du niveau 2. C'est des roches. OK. Deux grosses roches qui roulent dans l'écran. Quand même, t'sais, faut donner ça. C'est original. Puis, moi, j'aurais aimé ça, voir le livret d'instruction. Tu sais, y a-tu les boss, genre, tu vois plein de bébites, puis après, c'est tiré « rocks ». Oui, c'est vrai, une grosse roche, tu sais. Il y a un autre défaut aussi que j'ai trouvé, c'est que tu peux aller vers l'arrière dans le jeu-là. OK, backtracking. Tu peux backtracker, même s'il n'y a rien à aller rechercher que tu as oublié. Ouais, c'est ou presque. Mais tu sais, dans un jeu, tu as comme... Mettons tu vas par en avant, tu as une zone de tableau qui avance en avant de ton personnage d'une certaine largeur. Mais là, quand tu vas par en arrière, elle est comme de la moitié. Je sais pas pourquoi. Tu comprends ce que, vous comprenez ce que je veux dire? Comme si la caméra serait La caméra ne suit pas. Elle suit moins. Genre, il y a moins de zones quand tu recules. Fait que les affaires t'arrivent crissement plus dans la face. ça m'a comme buggé quand il fallait que je revienne à un moment donné. Puis c'est ça, les ennemis sont un peu clunky au niveau du look, eux autres aussi, tu sais. Je trouve que ça paraît que c'est un launch title, c'est probablement pas ce qu'il y a de plus abouti au niveau du look. Mais c'est pas plate, là, sérieux, c'est correct, là, tu sais. Il y a bien pire que ça comme jeu. La musique, c'est correct aussi, rien qui passe à... Rien pour passer à l'histoire. Rien qui va passer à l'histoire. Quelque chose de plate, c'est qu'il y a, un peu comme Castlevania, il y a des cheap deaths. C'est ça qui m'a fait abandonner le jeu pas mal au quatrième niveau. Les niveaux, c'est quand même assez long. Ouais. Une genre de place, tu sais, des blocs tout seul, là, qui flottent dans les airs et que tu sautes dessus. Puis là, en dessous, c'est un trou, bien sûr. Puis là, il y a des ennemis qui sortent du trou, qui lèvent dans les airs. Là. OK. Genre, puis là, bon, là, il a fini. Mais là, finalement, oups, il arrive par en arrière. Son pattern est différent. là, ça change. Puis là, t'arrives d'en face, tu sais. Ça m'a comme fâché un petit peu, ça. Puis j'arrive au boss de ce niveau-là. Puis, fuck, man, j'ai rien compris de ce qui se passait. C'est un espèce de gros œil chenille qui vole dans les airs, qui va super vite. Puis là, quand je me penche, je suis pas capable de le toucher, mais lui non plus, il me touche pas. Puis là, il reste parké au-dessus de moi, puis il fait des allers-retours super vite. Fait que je peux pas bouger, il fait rien. Si je me lève, il me touche. C'était gossant, ça. C'était comme crissement mal fait, ce boss-là. C'était vraiment weird. Alors, voilà. Finalement, j'ai pas grand-chose de positif à dire sur ce jeu-là. Non, ça a vraiment l'air mauvais. C'est une belle poche. On a pas le goût. Ouais, hein, vous avez pas le goût, hein, coudon. Mais non. Sérieux, pour l'avoir eu gratuitement, je suis quand même content parce que c'est un jeu correct. Ben Jeff, as-tu des... Qui a fait ça? T'as-tu la page? J'ai la page Wiki. Le développeur, c'est Victor Interactive Software. Victor. Magnifique tableau. Tu plateforme sur des yeux. Ça a été également disponible sur PC Engine, ce jeu-là. Ouais, ben comme tous les jeux de fin août 89. C'est à peu près tout ce que j'ai comme information. Là. Ah ouais? Je fouillais pour trouver le frame rate de la TurboGrafx. Il y a juste des chiffres partout. De souvenir, la TurboGrafx 16 était un peu moins puissante que la Genesis au niveau des specs. Ah ouais? Ouais, mais elle est sortie avant, en fait, au Japon. Là. Puis c'est la première 16 bits, là, vraiment. Ben, au Japon, c'est la PC Engine. Bon, c'est la même puis affaire. Puis au US, c'est la TurboGrafx. Ouais, c'est la même console, sauf que la librairie japonaise est beaucoup plus grosse. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez acheter une ou l'autre, achetez un PC Engine, puis renseignez-vous sur qu'est-ce qui lit quoi. Parce que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, je me rappelle plus. Ouais, mais c'est des petites cartes, là. Ça prend bien moins de place, ça, c'est clair. Mais exact. C'est petit, mais les cartes japonaises jouent dessus dans la TurboGrafx et vice-versa. Je pense que la PC Engine est capable de lire les cartes américaines ou faut que tu modifies. En tout cas, compliqué. Il y a une taille différente, ça, c'est clair. Mais... Ah, il n'y a pas une taille différente, je pense. Que... Ouais! Mm-hmm. Voyons. J'ai de la misère à te croire, là. Je sens que oui. Jeff. On va demander à Carl Robert. Es-tu dans le chat? Hey, bonne question, je vais aller voir. Appelle-les. Ouais, Carl, il est pas là. Ah, Carl. On checkera ça, mais il me semble qu'ils ont il me semble qu'ils ont refait plus grosses pour les Américains. De mémoire. Mais en tout cas. OK, en tout cas, on en reparle. Ouais, c'est les Américains. Fait que c'était ma chronique TurboGrafx 16. Il y en aura d'autres à venir, mesdames et messieurs, de la minute que j'ai d'autres jeux. Je suis curieux. Victor Entertainment ont fait la série Harvest Moon. Ah, bon, tu vois. Voilà, j'ai réussi à trouver quelque chose. Je pensais que c'était Natsumi qui avait fait ça, moi. Ah ben ouais, moi aussi, je pensais que Harvest Moon, ça soit Natsumi. Publié par Natsumi, développé par Victor. Possible. En tout cas, des méandres, des développeurs de jeux dans le temps. As-tu dit Léandre? Léandre. Ah, Léandre. Ouais. On parle de le temps. Est-ce qu'on prend une pause musicale? C'est... Pas nécessaire. On fait un Léandre suivi de Boondock. Boondock, yeah. Plein de succès. La tune de Noël, là. Ah oui, il fallait la. C'était bon, ça. Oui. Je pense qu'ils vivent que de ça aujourd'hui. Ouais, exact. Ils rejouent tout le temps dans le temps des fêtes. Ah oui. Là, il est là, il crève de faim toute l'année, mais il mange bien oui. en janvier. C'est ça. Où est Boondock? Communiquez avec nous. On info va l'inviter sur le show aussi. C'est quoi ton jeu de Vectrex préféré? Oui. Il nous écoute. On s'en va en musique avec Dracula X au Super Nintendo, la toune Cemetery. Fait que c'est à toi, Nick. Eh ouais, Nick, tu veux nous parler d'un jeu dont on n'aurait jamais parlé à Rétro Nouveau avant qu'on arrive. Non, mon gars. Ouais, ben... Fait que c'est génial. Exact. Moi, j'ai été vers le PC. Ouais. Ouais, intéressant. Fait que là, aujourd'hui, je vais parler de Counter-Strike Nexon Zombies. Fait que ça, c'est quoi, ce jeu-là, en fait? C'est-tu une extension? Écoute, c'est bizarre, ce jeu-là, OK? OK. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, Counter-Strike, c'est d'habitude, c'est Valve qui fait ça. C'est bien connu. Fait que, ils ont fait les versions Go récemment. Là. Boring. Mais ça, c'est comme un spin-off okay. qu'ils ont donné à la compagnie Nexon. Okay. La compagnie Nexon, pour vous dire c'est qui, là, c'est comme les géants du MMORPG coréen. Okay? Eux, là, par exemple, ils ont fait Maple Story. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est comme... Maple Story? Ouais, c'est un des plus gros titres en Asie. Là, au c'est Histoire d'érable. Ouais, Free-to-play, exactement. Free-to-play, MMORPG, là, sont là. Okay. C'est une affaire bien cute, là, mais où il y a énormément de microtransactions. Fait que c'est un peu le modèle, là, en fait. C'est quelque chose de gratuit et de microtransactions. Puis ça vient directement d'un truc qui s'appelait Counter-Strike Online, qui a été fait par Nexon aussi. Puis ça, ça a eu un certain succès en Asie, en fait. Okay. C'est vraiment comme... Techniquement, ce jeu-là s'adresse beaucoup plus à l'Asie qu'à nous. Okay. Mais il a quand même été lancé... c'est bien étrange. Il a été lancé aux États-Unis, dans les pays du Commonwealth. Puis là, un peu en Europe, dans certains territoires. Fait qu'il n'est pas encore international, mais ça s'en vient. Fait que, grosso modo, moi, je me suis dit, « Hey, des zombies... » J'aime ça. Ben oui. Ah ouais, t'aimes ça les zombies? Ouais, j'aime ça les zombies. Okay. Counter-Strike, j'adore ça. Okay. Je dis, tu mets les deux ensemble, ça peut juste être bon. Exact. Ben oui. C'est comme la réglisse puis les éclairs au chocolat. Exactement, hein, c'est ça. Fait que finalement, ben, j'étais un peu dans l'erreur en fait. J'espère. Je me suis dit, c'est pas une recette gagnante. C'est sur papier, ça a l'air incroyable. Mais premièrement, quand tu bootes ce jeu-là, tu lances le jeu, tu vois, tout de suite les graphiques ont l'air vieillots, tu sais. On dirait un 64 ouais. boosté. J'avais l'impression ouais. de jouer une vieille version de Counter-Strike 1.6 qui est comme la version de là, trois versions passées. Là, je regardais ça, je me suis dit, bon, peut-être c'est mes settings de PC qui sont poches. Ben ouais. Mais non, en fait, c'est un vieil engin qu'ils ont dû ramasser. Ils ont commencé à travailler avec ça. Dans étant le container. Donné, ben, je pense que vu que c'est un free-to-play qui vise beaucoup l'Asie, il y a beaucoup de machines avec des specs très très bas qui okay. doivent plaire à tout le monde et pouvoir rouler sur tous les types de machines. Fait que ça donne un jeu qui est pas vraiment beau. Fait que là, ça, c'est un petit peu décevant, mais je me suis dit, bon, peut-être pas de cash, là. Exact, c'est ça. Peut-être qu'ils vont me surprendre avec un gameplay intéressant. Mais, oui. Mais là, là, tu regardes ça, puis le jeu a l'air d'un vieux. Il y avait un extrêmement vieux mode là, que j'ai joué dans le temps. C'était un mode de Half-Life qui s'appelait Vampire Slayer. C'était en 2001, cette affaire. Ouais. Puis c'est pas mal semblable à ça, OK? Okay. Fait que les zombies, t'as des affaires semblables. C'est super pas original. Tous les ennemis... Check les mains flotter dans l'écran. Ouais, oui, c'est horrible. C'est Resident Evil 2. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est les lettre. Ennemis, là, tu regardes ça, là, puis t'es comme... Tu connais ces ennemis-là. Tu sais, il y en a un qui ressemble au boomer de Left 4 Dead. Il y en a un qui ressemble à l'infirmière de Silent Hill. T'as comme les zombies de House of the Dead. T'en as même un. J'ai pas compris cela. C'est comme un bonhomme de neige avec une face de Pierrot, habillé en chef cuisinier. Puis il y a un sourire à Jack dans Nightmare Before Christmas. Là, tu regardes ça, tu dis. Aïe, aïe. What the. C'est un zombie, supposément, mais c'est comme vraiment trois boules qui t'avancent vers toi. Fait que là, t'es comme, wow! Sérieusement, si vous jouez à ce jeu-là, là, attendez-vous à avoir mal à la tête après 10 minutes. T'sais, c'est par très, très petites sessions. Là. C'est intense. Ouais. T'sais, l'audio est blasté. Genre, les graphiques sont laids, mais il y a plein d'actions partout. Les animations sont horribles. T'sais, c'est vraiment quelque chose de là. Tu te dis, qu'est-ce que je joue? Là-dedans, il y a comme un package d'un paquet d'affaires. C'est tellement éparpillé qu'ils ont de la misère à bien faire les choses. Ouais. Premièrement, ils ont repris tous les modes classiques de Counter-Strike. Fait que tu peux défuser une bombe, tu peux aller chercher les otages, les trucs d'assassination. Fait que ça, c'est là. Tu peux jouer comme ça, sans zombies. Tu peux jouer aussi dans les vieilles maps, le fameux Dust. Aztec. Dans le fond, ils ont repris les maps de Counter-Strike original puis de Counter-Strike... Condition Zero, je pense. Puis ils ont comme mis ça tout ensemble, okay. Avec des zombies puis des modes bizarres. Fait que c'est vraiment pas abouti comme produit. Juste les modes zombies, là. T'en as un qui est comme... on va l'appeler le mode classique Zombie Infection, dans le fond. Zombie Infection, c'est quoi? C'est comme un hard mode, là. T'es comme avec une équipe, tu reçois plus de zombies possible puis il faut que tu survives. Après ça, t'as un mode qui s'appelle Scénario. Un peu la même affaire, mais okay. T'as un boss. À un moment donné, t'as comme un scorpion géant qui... T'as différents boss, là, des gros bonhommes. Tu sais, c'est pas beau. Ça a l'air le écœur, gameplay, hein. Il est pas tête. Il y a full de lag, OK? C'est comme... Et il y a un dernier mode qui est comme probablement le plus le fun, où c'est comme un mode... ça s'appelle PVPVE. Fait que tu commences où t'as des zombies puis des humains. Puis là, tu peux infecter les humains qui deviennent des zombies. Puis là, le but, c'est que les zombies tuent tous les humains ou que les humains tuent tous les zombies. Fait que ça finit tout le temps que c'est les zombies qui gagnent. OK. C'est quand même, tu sais, je vous dirais, cette affaire-là, c'est gratuit, OK? Ah, c'est gratuit. Les attentes étaient peut-être trop hautes pour moi, tu sais. Je veux dire, si vous avez du temps libre puis du bandwidth... sur votre connexion internet dans le mois, vous pouvez l'essayer. Ça vous coûte rien, à part du temps que vous allez perdre. Moi, je vous dis, si vous aimez les jeux de zombies, de Valve, ben allez vers Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Ben oui. Si vous aimez Counter-Strike, achetez-vous Counter-Strike Go à 15$. Okay, on s'entend? C'est des jeux pas très, très chers. C'est pas cher, et vous allez avoir la vraie expérience. Cette affaire-là, c'est gratuit. Ouais. Ça vaut pas grand-chose, mais pour ceux qui, en fait, ont un budget extrêmement limité et des standards très, très bas, ça peut faire la job. Puis finalement, je vais conclure juste en parlant des microtransactions là-dedans. On peut grinder en faisant tu peux comme accumuler des points en jouant, tu peux acheter avec de la vraie argent. Ouais. Puis ils ont rajouté toutes sortes d'affaires pour, on dirait, personnaliser vos armes. Fait que les armes de Counter-Strike sont disponibles. OK. Mais tu peux acheter des armes bizarre, tu sais, puis j'ai vu un gars qui avait un scorpion sur son gun qui lançait du feu, tu sais. Scorpion gun. Ouais, exact. Peut-être que ça vaut 5$. C'est à peu près la seule affaire, là. Fait que... On dirait que tu viens de me vendre le jeu, gagne d'un coup, toi. Ouais, ouais. Scorpion. Fait que, c'est ça. À télécharger, mais avec une petite réserve, en fait. Là. Que, moi, je le recommande pas personnellement, mais bon. Comme je vous dis, c'est gratuit. Hey. Wow. C'est fait sur l'engin de Counter-Strike Online? Ouais. C'est un engin qui date déjà de 6-7 ans, c'est sorti en 2008, ça. Donc, ouais. Ça peut expliquer pourquoi c'est pas bon. Ah ouais, mais c'est définitivement, là, graphiquement, là, on dit que c'est un voyage dans le temps. Là, c'est ouais. Pas terrible. Ah, non, mais l'interface, c'est bizarre. Là, c'est... Regardez, comme la nouvelle Nissan Sentra. Probablement que c'est un beau parallèle. Là. Mais bon, c'est ça. OK, all right. Hey, on avait deux quickies, Nick, à faire. Fait que je vais commencer avec le mien, puis tu pourras suivre après. Puis après ça, je pourrais faire mon dernier jeu. Va dans jeu. La salle de bain tout de suite? Ou? Ouais, va dans la salle de bain. Va dans la salle de bain pendant que je parle de ça. Non, je connais. Mauvaise blague de quickie. Échec. Alors voilà. Fait que c'est quoi? Fait que, écoute, moi je vais parler rapidement d'un jeu qu'il y a sur iOS que je me suis dit dernièrement, Krim, ça serait le fun de jouer sur iOS un peu. Ça fait un bout que j'ai pas joué. Puis depuis que Dominique parle plus de jeux iOS, moi je. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ben moi je joue à Vita, je me suis procuré une Vita. Fait ben que, c'est ça. Je prends ma Vita. Mais là je me suis dit, Krim, je vais chercher, ça me tente de jouer à quelque chose. Puis j'ai trouvé Ghost Blade. Puis Ghost Blade, ce que c'est essentiellement, c'est Ninja Gaiden. C'était quoi? C'était Magic c'est Sword, je Ninja pense. Gaiden, c'est un clone de Ninja Gaiden, Dragon ouais. Sword. Dragon Sword, merci. Sur la DS. C'est ça. Sauf qu'au lieu de slasher avec ton stylus puis ton DS que tu tiens comme un livre, ouais. Là tu tiens ton téléphone debout puis tu slashes avec tes doigts. C'est ça. Mais la même mécanique. Là. C'est vraiment la même mécanique, la même affaire. C'est super beau. C'est vraiment bien fait pour un jeu de. Puis le jeu DS, iOS. Il était bon en salle. Il j'ai était trippé sur ce jeu-là. Ben raide, je l'ai dévoré. Puis on jouait juste avec le stylet, tu sais. Exact. Puis ça, c'est surprenant pour toi puis moi qui aime pas ça, les gamins. C'était bien fait. C'était bien on fait. A adoré ça. C'était exact. Vraiment bon. Mais ça, c'est le même principe. C'est vraiment le fun. C'est un jeu qui est deep, qui a vraiment beaucoup de niveaux. Qu'il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'améliorations. Tu peux améliorer tes affaires sans arrêt. Tu peux améliorer, tu as de la magie. Tu as justement des spells, de la magie. Tu peux lancer des boules de feu, des trucs comme ça. Tu peux aussi améliorer ton personnage. Tu peux améliorer ton arme. Tu peux tout améliorer sur ce jeu-là. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se joue avec un doigt. Sauf que, pour une fois, tu n'as pas l'impression de faire n'importe quoi. T'sais, si tu le fais par en haut, il va se passer de quoi? Par en bas, il va se passer de quoi? Gauche, droite... des fois aussi pour évader, c'est vraiment genre dans le bas de l'écran à droite, tu baisses par en bas, tu baisses par en haut. En tout cas, t'as plein de choses à faire. Puis si tu donnes à ce jeu-là, tu vas vraiment avoir du fun parce qu'il y a vraiment plein de mouvements différents. Des power-ups aussi. Ouais, des power-ups. Puis tu peux jouer à un doigt. C'est ça qui est le plus. Ouais! Mais tu peux jouer à un doigt seulement, ce qui est vraiment incroyable pour un jeu maintenant, parce que quand t'es dans le métro ou dans l'autobus, ben t'as besoin d'une main. Ça, c'est le fun. Puis ce jeu-là, en fait, c'est ça, il coûte 5$. Pas cher. C'est pas cher, mais pour. C'est pas cher. Mais pour la plupart des gens, 5$ pour un jeu iOS, c'est très cher. Mm-hmm. Moi, je vous dirais, là, achetez ça les yeux bandés. C'est vraiment incroyablement bon là, pour une petite console comme ça. Ouais. Je vois Dom qui rit, mon gars. Les yeux bandés. Tu t'as dit bandé, ça m'a fait rire. Je suis fatigué. On met juste le dos de la fièvre, c'est bon. C'est ça. Mais bref, très bon jeu. Je voulais juste vous en parler rapidement comme ça. Allez vous acheter ça, ça vaut la peine. C'est très joli aussi, là. Très japonais. Oui. C'est une compagnie... Très Ninja Gaiden-esque moderne, là. C'est ça. Puis c'est une compagnie japonaise qui a fait ça. Une compagnie qui, visiblement, a fait d'autres jeux au Japon, mais que je connais pas vraiment. Mais c'est ça. Je veux pas aller dans les détails. Je voulais juste vous le dire rapidement comme ça. Et puis... On voulait parler d'un autre petit jeu, Nick, auquel toi et moi on a joué. On a eu bien du fun. Je pense même que GF a joué. En fait, c'est ma blonde qui a joué devant moi, mais je l'ai chez nous. Et voilà. Ouais, fait que je vais parler de Pix de Cat, en fait. Oui. Ben, ça, c'est un jeu d'arcade sur PS4 puis sur la Vita, en fait. Oui. Moi, je l'ai essayé. Il est présentement gratuit pour les gens qui ont PSN Plus. Donc, garochez-vous parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Alors, ça va être bon jusqu'à la fin octobre. Grosso modo, ce jeu-là, c'est quoi? Ben, c'est vraiment un mélange de trucs que vous pouvez connaître. Ça ressemble à Pac-Man Championship DX, mélangé avec Choo-Choo Rocket, mélangé avec Adventure of Lolo, OK? Fait que ça, là, c'est vraiment, je pense, ça explique bien le jeu. Tu disais tantôt plein d'affaires awesome mélangées ensemble. Ouais, ben c'est ça. Mais là, ça marche, donne, là. Ça donne un beau résultat, tu sais. Ça, dans le fond, c'est comme la suite spirituelle de Pix & Love Rush, qui est un jeu sur l'iOS qui a été porté au mini PlayStation 3. Puis ensuite, ben, tu vois, c'est juste le même look and feel. Là. Fait que c'est vraiment un beau petit jeu. C'est arcade, donc au début, tu commences, tu as du temps pour faire ton tableau. C'est un jeu de mangeage de pastilles. C'est un jeu de mangeage d'œufs qui deviennent des canards. OK? Puis là, ce que ça fait, ça ressemble un peu aussi à Snake, Rattlesnake. Snake, Rattle and Roll. Exact, c'est ça. Ah oui, oui. Fait que là, quand tu manges des canards, là, ils te suivent. Puis là, ça fait une traînée, OK? Tu peux pas rentrer dans tes canards. Fait que c'est vraiment... Tu sais, c'est un beau mélange. Fait que là, t'as un parcours à faire. Ouais, c'est très beau. Fait que là, t'as un parcours à faire, puis l'affaire, c'est que tu meurs pas là-dedans. Si tu rentres en collision d'un mur ou si tu rentres en collision avec ta traînée de canard, tout ce que ça fait, c'est que tu perds ton combo. Le but là-dedans, c'est de faire le plus de points possible, de te rendre plus loin possible dans les tableaux, dans le temps qui t'est donné. Il me semble que tu perds ton momentum aussi quand tu frappes les murs. Tout à fait, parce que là, plus que tu pognes de canards consécutifs, là, au début, le but, c'est de ramasser tous les canards, puis ensuite, tu vas les porter dans des espèces de ronds, en fait. Ouais. Si tu peux faire ça, tu gagnes des combos. Là, l'écran change de couleur. Jusqu'à un moment, ça devient complètement hallucinant. Ça va super vite. T'as de la couleur partout. Ouais, c'est ça. Puis la musique, elle devient un petit peu plus intense. Là. Fait que c'est vraiment addictif parce que c'est un jeu aussi de mémorisation. Ouais. Tu dois prendre le meilleur path. Puis tu peux jouer à plusieurs reprises, tu vas juste devenir meilleur, meilleur, meilleur. Puis un des aspects qui est le fun de ce jeu-là, c'est que le prochain tableau, c'est super dynamique. Ils sont tous imbriqués dans l'autre. Fait que c'est comme si t'es comme dans un scalaire, en fait. Là, si vous rappelez de vos cours dans de maths. Dans un vortex. Que, exact, là, tu rentres, tu sais, puis là, quand tu finis ton tableau... Il y a un tableau dans le tableau. Il y a un tableau dans le petit tableau. C'est ça, tu vois le petit tableau. Dans le tableau, dans puis là, tableau, tu sais tout le temps que quand tu finis, là, t'essaies d'optimiser ton chemin pour être plus proche de l'entrée possible, pour manger moins de temps, pour faire plus de points. Puis c'est vraiment bien fait. Une fois que tu joues ça, tu débarres d'autres types de modes. Il y a même un mode local multijoueur que j'ai pas pu essayer malheureusement, mais qui a l'air quand même arena vraiment arena fun. Aussi que j'ai pas essayé encore. C'est multijoueur local. Ouais. Fait que c'est un super beau petit jeu. Puis tu sais, définitivement, vous allez trouver. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ben oui. C'est extrêmement satisfaisant, rapide. Puis moi, je pense que ça peut plaire autant aux fans de rétro que de nouveau. Oui, mais en tabarnouche. Zardoz là-dessus. Zardoz! Yeah! Fait que moi, là-dessus, écoute, je vais clore ça en vous parlant de Shadow of Mordor, Middle Earth. S'il y en a qui ont écouté l'épisode 7 aujourd'hui... Oui, il est sorti ce matin. Oui, il est sorti ce matin pour ceux-là qui écoutent le podcast live. Allez voir ça, on a joué à ça, écoute, comme des fous, on a eu du fun, je pense que les gars ont trippé pas mal. Ah, c'était très hot, j'ai bien aimé ça. Moi, ce jeu-là, c'est vraiment devenu ma drogue, parce qu'en fait, dans Shadow of Mordor, sérieusement, que t'aimes ou pas Le Seigneur des Anneaux, tu vas tripper ce jeu, parce que c'est comme un espèce de mélange parfait de ce qu'il y a de mieux de Assassin's Creed et ce qu'il y a de mieux de Batman, les nouveaux Batman, Arkham City, Arkham Asylum. Puis c'est ça, en fait, le système de combat, c'est Batman, et le système de grimpage et de tout le reste, le platforming, puis l'exploration, ça ressemble beaucoup à Assassin's Creed. C'est fait par qui, ça, déjà? Ça, c'est fait par Warner Bros., puis c'est fait par Monolith. Okay. C'est Monolith qui a développé, c'est Warner Bros. Qui a publié. Puis c'est vraiment excellent, ce jeu-là, à cause des orques. Les orques, là-dedans, ce qui est le fun, c'est que tu tues un orque. Puis cet orque-là, en fait, une fois que tu l'as tué, lui, il perd son grade. Il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Puis tu vois tout le temps l'armée des orques qui va grandir, puis qui va grandir, puis qui va grandir. Il y a tout le temps quelqu'un qui prend la place de l'autre. Parce que quand quelqu'un te bute, toi, lui, il gagne un grade. C'est ça. Il gagne un grade, puis toi, ça te met en maudit parce que ça te tente, tu sais, ça te tente d'être meilleur. Ça te tente de battre ce bonhomme-là qui t'a tué, puis aussi qui t'a insulté dans ta face. Puis ce qui est le fun, c'est que ces orques-là, ils se souviennent de toi, ils se souviennent de ce que tu as fait la dernière fois, même des fois. Il y a beaucoup de dialogues là-dedans, ils te parlent, là, ils te gueulent après. Là. Ils te parlent, c'était le fun. Un moment donné, justement, je tirais avec mon arc, parce que là-dedans, on a un arc aussi. Puis je tirais avec mon arc, puis je tirais le bonhomme en bas. Je le tirais, puis il a fini par se sauver. Puis un moment donné, il est revenu pour me battre, puis il a dit cette fois-là, t'as pas ton arc, t'es à terre, puis je vais t'avoir, tu sais. Puis je trouvais ça cool. Je me disais que tabarnouche, il se souvient de ce que j'ai fait. L'autre fois, j'étais sur une bûche super haut, puis il me disait descends de là, viens te battre, tu sais. Fait que les personnages sont intelligents, ils ont une vie. T'as vraiment l'impression que les personnages ont une vie. Puis ça, je trouve que dans les jeux vidéo, souvent, maintenant, ça n'existe pas, puis ça devrait exister plus souvent. C'est sûr que ça doit être plus difficile à programmer, mais c'est payant au bout, parce que l'immersion est totale là, dans un jeu comme ça. Exact. Puis là-dedans, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, il y a tout le temps quelque chose à faire, tu as tout le temps quelque chose à débarrer, tu as tout le temps des choses à améliorer. Tu vas améliorer, tu as une épée, une dague, puis un arc, puis tu vas améliorer ces trois armes-là sans arrêt. Ta dague va te servir à tes moments de furtivité, à assassiner. Ton épée va te servir à ton combat et ton arc va te servir à ton combat de loin. mais aussi là-dedans, tu as des pouvoirs elfiques. Parce que t'es comme un demi-elfe. T'es mi-humain, mi-elfe. C'est ça, c'est qu'en fait, là-dedans... Mi-fig, mi-raisin. Mi-fig, mi-raisin. Là-dedans, au début, ta femme puis ton gars se font assassiner devant toi. Puis toi aussi, tu te fais assassiner, puis tu te retrouves entre le monde des morts puis des vivants. Ouais. Puis il y a un elfe qui est mort aussi, qui va te dire, ben on a eu un sort, on s'est fait fourrer toute la gang. Fait que toi et moi, on va faire équipe, puis on va essayer de retrouver ce qu'on nous a volé, puis d'enlever le sort sur nous. T'sais. OK, OK. Fait que toi, t'as le pouvoir des elfes. Fait qu'avec toi, mettons, tu peux justement avoir peser sur un bouton pour avoir la vision elfique. Exact. Ce qui te permet de voir tes ennemis de super loin, voir qui est où, qui fait quoi. Tu peux aussi aller un petit peu plus vite, c'est courir plus vite. Mettons que tu es en train d'enchaîner des combos avec ton épée, ben ça va aller de plus en plus vite, puis ça aura plus de sens, ça va être inhumain. Exact. Tirer ta aussi. Ta pupille, elle devient bleue, t'es ouais, comme badass. Là. C'est ça. Puis tu tires, admettons, tu tires une flèche, mais dans le fond, tu t'en vas dans ta flèche, puis tu te téléportes jusqu'à ton ennemi pour y sacrer à voler. Ah, ouais, wow. Il y a plein d'affaires comme ça à débarrer qui deviennent de plus en plus cool. Puis là-dedans, c'est pas vraiment l'idée de faire un niveau linéaire, d'arriver à la fin, puis c'est le boss, puis c'est fini. C'est surtout de vivre dans un monde ouvert, vivant, mm-hmm. puis de faire des missions à travers mais ça. Mais t'es-tu quand même assez encadré, tu sais? Parce que souvent, là, t'as joué un petit peu oui. plus. Là. T'es-tu quand même encadré? C'est t'es laissé lousse, là? Tu sais, comme moi, mettons, Grand Theft Auto, là, oui. je finis par me perdre puis faire juste battre du monde, voler des chars, puis tu sais, c'est un peu comme quand genre, tu vas à Pointe-aux-Trembles. C'est ça. Pareil, c'est ça. Tu te perds, ça n'a pas de sens. Battre du monde, voler dans ce des temps-là, chars. Tu vas au restaurant chez Pat, puis tout va se faire. Tout va marcher. Meilleur restaurant à Pointe-aux-Trembles. Mais anyway, ce que je voulais dire, ouais, c'est que oui, tu peux finir par te perdre, mais en fait, tu as 20 missions principales. Okay. Tu as 20 missions pour l'histoire. Puis après ça, tout le reste, c'est tout de tuer un orc et en battre un autre et un autre et un autre et un autre. Puis il y a plein d'affaires qui vont ouvrir sur ta map. OK. Puis aussi, fait que tu sais où aller. Oui, tu sais exactement où aller. T'as pas besoin jamais de chercher quoi faire là-dedans. Tu sais quoi faire tout le temps. Puis le combat des orcs est tellement addictif que tu vas finir par faire ça plus que l'émission principale, plus que upgrader okay. tes affaires. Puis c'est en battant ces orcs-là que des fois... ce qui arrive, c'est que tu vas posséder un autre orc pour y soutirer des informations. Lui va te donner des informations sur un autre orc que tu vas avoir choisi. Puis là, tu vas voir le capitaine, puis là, il va te dire, ben, OK, ben, ce capitaine-là, il a peur du feu, puis il a peur des caragors, comme on a dit dans l'épisode 7. Les caragors, des espèces de grosses bébites mutantes que tu peux chevaucher aussi comme un cheval. Puis c'est ça, ils vont te dire c'est quoi ses points faibles. Fait que là, tu peux faire comme « Ah, OK, il aime pas le feu, ben je vais aller pogner tel upgrade qui me permet de tirer une flèche dans le feu et de faire tout exploser, tu sais. Mm-hmm. » Fait que c'est le fun parce qu'il y a quand même il y a une technique qui est quand même assez faisable là-dedans. Puis tu peux améliorer ton jeu comme toi, tu le veux vraiment, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'ai un ami qui joue à ça. Lui, tout ce qu'il fait, c'est l'émission principale. OK. Puis... il veut finir l'émission principale, puis après ça, battre des orcs puis tout. Mais il peut pas faire ça. Parce que pendant qu'il se rend à sa mission principale, mm-hmm. il y a un orc qui arrive comme « Hey, toi, t'as-tu un de mes chums? » Puis là, il s'en va le battre, tu sais. Ah ouais. Fait que le jeu, quand même, te ramène à ça tout le temps, puis c'est ça qui est le fun. Fait que anyway, moi, sérieusement, ce jeu-là, c'est pas un jeu qui est parfait. Il y a des affaires qui fonctionnent un peu moins justement du fait que des fois, on peut peut-être se perdre un peu dans cet environnement-là. Mais malgré ça, jusqu'à maintenant, en 2014, c'est mon meilleur jeu de l'année. Je suis pas capable d'arrêter de jouer à ce jeu-là. J'y joue tout le temps. Fait que c'est sérieux. Ça devient pas répétitif. Oui, totalement. Ouais. C'est super répétitif, mais c'est le fun. C'est ça l'affaire. C'est que je me dis à un moment donné, je vais bien me tanner de ça, mais non, je me tanne pas. L'affaire des orques, ça marche tellement. Puis le combat est tellement satisfaisant. Puis il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Comme là, je viens de débarrer une nouvelle affaire. Maintenant, je vais pouvoir rider des gros behemoths, là, des wargs, je pense que c'est ça. Ouais. Je vais pouvoir les rider eux autres avec. T'sais. Puis aussi, là, je peux posséder des orcs. Puis j'y possède. Puis là, ils sont tous pognés là. Puis ils ont des yeux bleus. Puis ils attendent comme des zombies. Puis là, un moment donné, mettons que je suis dans la marge, je lève mon poing dans les airs, puis je suis comme unissez-vous, puis là toute la gang vont s'unir, vont tuer tout le monde autour. Puis après ça, t'es envoyé tout dans se noyer dans le fleuve. Ouais, après ça, tu peux refermer ton poing, puis leur tête va tout éclater. c'est magique. C'est plein d'affaires de même, plein de candy qui font que tabarnouche, t'as tout le temps le goût de jouer. Là. Puis il y a du DLC en plus là-dedans. Il y a plein de choses à découvrir. Y a-tu du mode en ligne? Il y a pas de mode en ligne. Puis moi, c'est ça que je trouve qu'il manque. Il manque un mode en ligne. Il manque un mode. Moi, un mode coop, à ça, je trouve que ça serait vraiment C'est ça que ça a l'air, honnêtement. Puis pour le dire. Pour le dire au monde aussi, il n'y a aucun personnage de la série, des films là-dedans. Ouais, à y a part, Gollum. J'ai vu Sauron passer tantôt, je pense. Gollum, Sauron était là quand j'ai mais vu. Mais toi, t'es pas personne, tu sais, il n'y a pas Gandalf n'est pas là, il n'y a pas de Hobbit, y a non, rien. Toi, tu t'appelles Talion, puis c'est vraiment... Ça s'inspire de l'univers de Tolkien, de la Terre du Milieu, mais c'est pas... Ils ont pris quand même certaines libertés avec la licence. Puis ça fait du bien parce que ça crée vraiment le meilleur jeu du Seigneur des Anneaux. Puis personne s'attendait à ça. Ouais. Il y a personne qui l'attendait, ce jeu-là. Ouais, c'était vraiment un underdog. Là, ouais. Il était en dessous du radar. Là, il est sorti puis tout le monde a trippé. Là. Ah, c'est incroyable. En tout cas, si vous avez une PS4, Xbox One aussi est sorti. Achetez ça sérieux là, sans vous poser aucune question. C'est tellement de la bombe. C'est de la vraie drogue. Fait que that's it, il m'a arrêté de parler de ça, puis on va faire... On va prendre une petite pause, rapide. On va prendre une petite pause rapide, quand même. Un petit pépi. En revenant, Jeff, t'avais-tu de quoi à dire? Ouais, voulez-vous des fun facts avant qu'on s'en aille en pause? Que je vous scrape vos souvenirs de jeunesse. Continue. Bon, vu qu'on est pas loin de l'Halloween, j'ai trouvé deux jeux un peu d'horreur. Tout le monde se rappelle de Silent Hill. L'école dans Silent Hill aurait été basée sur l'école du film Un flic à la maternelle. Dans le look, ça, ou quoi? Ouais, dans le look et dans la façon que l'école est bâtie. Là. Wow. Classique film avec Arnold Schwarzenegger. It's not a tumor. It's not a tumor. Et deuxième truc, le jeu Devil May Cry devait être à l'origine Resident Evil 4. Okay. Mais le producteur Shinji Mikami trouvait que c'était trop loin des racines du jeu de survie d'horreur. Fait que finalement, il a convaincu les programmeurs et les développeurs de changer un peu l'histoire puis d'en faire un jeu complètement indépendant dans un autre monde rempli de démons et ils ont changé le nom du personnage pour l'appeler Dante. Puis ils ont mis une épée et ils ont fait un hack and slash. Exactement. Oh. Mais bien fait. C'était supposé être un Resident Evil 4 au départ, puis ça a finalement dévié vers complètement une autre franchise. Là. Donc, ben, c'est bien parce que Resident Evil 4 est excellent aussi, ce qui paraît, au GameCube, pas mal un des meilleurs, à ce que j'ai entendu. Très bien coté. Exact. Vraiment, vraiment bon. Puis, ça a fait une autre série, donc c'est fantastique. Tu nous scrapes rien, JF. Ouais, j'ai été gentil aujourd'hui. T'as été gentil. question que ça soit tout réglé avant d'aller à la pause. M'en faire la pub du pion noir avec ma voix écœurante. Vas-y. Hey! Ta table se sent seule! T'es tanné de jouer au Boggle avec ta voisine de palier? Ben, va sur pionnoir.com puis découvre plus de 500 jeux en français que tu connais pas encore! Lepionnoir.com, c'est malade, man! T'as la voix du petit adolescent dans les Simpsons, là? C'est pareil! Hey, c'est vrai! Bon, ben. Au retour, discussion sur les pères gamers, chose qu'on est. On continue la musique avec Chrono Trigger au Super NES, Frog's Team. pas venu officiellement avant que je fasse ça. Oh mon dieu. J'ai tout le temps surpris quand on revient d'une pause parce que ça va vite. Ouais, c'est comme, ouais. Ça, c'est tout de suite. Ok, là. Là, on est fatigué. C'est ça. On est fatigué. Là, t'as mis ta petite laine en plus. Eh oui, c'est vrai. En plus. Grand malade, là. Grand-papa a mis sa petite laine. Ouais. Puis, c'est ça. On est fatigué parce qu'on a des enfants. Oui. Chacun d'eux. Oui. Moi, hey, c'est fou, hein, j'ai ça, deux pareil, petits gars. Un de 6, un qui va avoir 2 ans en janvier. Oui. Toi, avec Bruno, c'est pas mal ça? Moi, j'ai une petite fille et un petit gars. J'ai une fille de 6 ans, un gars de 3 ans. Ouais. Puis toi, Nick? Toi, Nick? Moi, j'ai un petit gars de 4 mois puis une petite fille qui va avoir 2 ans là, en janvier. Fait que... Toi, c'est plus récent. Ouais, là. Moi, c'est plus récent. On les a eu collés pas mal. Ouais, aussi. On a clenché ça. Exact. Ben, chose de fait. Je les ai eu plus tard, fait qu'on s'est dit, bon, on va faire ça vite là, pendant que tout fonctionne. C'est clair. Fait que comment vous trouvez ça, vous autres? Est-ce que vos heures de gaming, c'est quoi? Comment vous réussissez à jouer? Moi, pour vous dire, je joue pas bien. Non, j'essaye, tu sais. Ouais. Je joue le soir. Ouais. Tu sais, comme après les enfants sont couchés. Ouais. Mais souvent, on a bien des choses à faire aussi ben avec Rétro Nouveau puis tous nos projets. Ouais, ouais. Fait que vous autres, vous jouez quand? Ah boy, ben moi c'est ce qui est le fun, c'est que j'ai des dormeurs dans ma famille. Ouais. Moi, mes enfants, évidemment, bon, je vais coucher les enfants à 8h. À 8h, pendant les enfants sont couchés, il n'y a pas eu de niaisage puis tout ça. Puis 8h, on est pas mal correct. Puis après ça, ma blonde elle est prof. Fait qu'elle a des grosses journées, puis elle aime ça, dormir. Fait qu'à un moment donné, elle va aller se coucher. Puis c'est à ce moment-là que je commence à jouer parce que ma blonde, elle joue pas pantoute, là. Exact. T'sais, fait que moi, faut que j'attende. T'sais, j'attends que la TV soit libérée ou sinon, admettons, on écoute quelque chose, mais on écoute une affaire dont ça on se sac pas. Un peu, t'sais. Mais même des fois, on écoute des affaires à deux, on écoute des séries à deux qu'on aime, mais que ça demande aucun cerveau. Fait que genre, ma blonde, elle check ses affaires sur son iPad, puis moi, je suis sur mon Gamepad ou je suis sur ma Vita en train exact. De jouer en remote ou à PlayStation 4. Puis, that's it, t'sais, ça ressemble vraiment à ça. Puis, je trouve que le remote play comme tel, juste ça, là, moi, ça a sauvé ma vie, sérieux. Là. C'est vraiment le fun parce que tu peux continuer tes parties, puis plus sur la Wii U parce que sur la PS4, c'est pas encore tout à fait au point parce que des fois, ben. Évidemment, t'as L2, R2 qui sont pas là sur la Vita, puis à cause de ça, tu dois avoir le pavé tactile. Certains jeux, ça date pas. Comme entre autres Shadow of Mordor, ben c'est de la merde en remote. À cause qu'il te manque deux boutons dont tu te sers énormément dans le jeu. Fait que c'est Don't ça. Jump. Ouais, c'est ça. L'épée. C'est ça. Mais c'est parce que souvent, faut que tu sois furtif. Fait que tu pèses sur R2 pour être en furtivité, puis assassiner. Puis ça, tu peux pas le faire parce que c'est ton touchpad, puis ça va super mal. Ouais. Mais anyway, pour éviter ça, je trouve que c'est ça que t'as besoin quand t'es parent à un moment donné, faut que tu trouves des compromis finalement. Ouais. À un moment donné, t'as pas le choix, mais moi c'est ça qui me fait chier en fait, c'est que depuis que je suis parent, je m'aperçois que mes heures de jeu, c'est tout le temps quand tout le monde est couché. Des fois, même moi, ça me tente d'être couché, ça me tente de dormir. Ouais. Puis je fais comme, ma blonde va se coucher, puis je vais faire comme ce jeu-là, là, ça me tente que de jouer tout ça. Faut que je joue. Puis moi aussi, il y a ça. C'est, je fais Monsieur Net. Fait que ouais, t'es avec obligé Monsieur de Net, jouer à des jeux. C'est ça, je suis obligé. T'sais, Rétro Nouveau, c'est une autre affaire. On a des c'est un petit peu plus espacé. Fait que ça nous donne plus de temps pour faire ce qu'on a à faire. Mais Monsieur Net, j'ai pas le choix. Toutes les semaines, j'ai quelque chose. Puis à Monsieur Net, moi, depuis que j'ai commencé, je me suis donné une mission. Puis c'est comme, faut que je me rende à la fin ou à peu près, tu sais. Mm-hmm. Fait que je joue pas mal. Fait que, tu sais, là, ça, je vais partir ça. Ma blonde se couche, je pogne ma manette, puis là, je joue, là, puis là, des fois, c'est cruel. Ben, moi-même, là, des fois, je suis pas capable de rester réveillé, là. Mais je me dis comme, non, c'ti, ça fait depuis 8 heures, je me dis que je vais jouer, c'ti. Là, si tu portes ta manette, ouais. Ça marche pas. Tu t'endors, puis il y a rien à faire. Combattre le sommeil, c'est impossible, ouais. Là. Mais ben, moi, Non, je... Vas-y. Je joue jamais la fin de semaine, genre, parce que, tu sais, la semaine, mettons, ma blonde, elle écoute ses émissions que moi, j'écoute pas. Mettons, Unité 9, tu sais, les affaires, là. Fait que moi, j'écoute pas ça, fait que je game pendant ce temps-là. Ça, c'est bien, j'ai eu le temps de finir Steel Empire, tu sais, des petits jeux de même. Le rétro, c'est bon pour ça aussi, c'est pas des games qui sont nécessairement longues, où des fois, je peux laisser juste mon NES sur pause pendant une couple de jours, puis je continue. Mais la fin de semaine... tu sais, vendredi soir, habituellement, on s'assoit ensemble, puis on écoute de quoi ensemble. Oui. Puis, tu sais, le samedi, on fait de quoi ensemble aussi. Fait que c'est comme bien rare que je vais jouer la fin de semaine. Oui. Jamais, hein? Jouez-vous dans le jour, la fin de semaine, vous? Non, ben avant les enfants, c'était quelque chose qu'on faisait souvent en couple. T'sais, on se pognait un petit jeu. Au lieu d'écouter un film, quelque chose, on jouait. Parce que toi, Julie, elle travaille pour Nintendo. Est-ce que ça veut dire qu'elle joue genre à Nintendo à fond? T'sais? Ben, elle n'a pas le choix d'essayer tous les titres, là, mais tu sais, on joue aussi à l'époque à PS3, à Xbox, tu sais. Juste pour varier, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a de disponible. Mais là, c'est plus difficile. Tu sais, il faut arranger ça avec les enfants. Comme Bruno, moi, il y a comme un sweet spot qui pourrait arriver si les étoiles sont alignées entre 9h30 puis 11h30 minuit, tu sais. Ouais. Ça, là, puis là, je suis d'accord avec toi, Bruno, là t'es fatigué, là, ton corps, il dit « Hey, tu devrais peut-être aller te coucher. Ouais. » Là, ta tête, ou en tout cas ton cœur, t'as dit « Ouais, mais ce jeu-là, tu l'as déballé, mais tu l'as pas encore mis dans la machine. » Fait que alors, je vais l'essayer. Nexon, je viens de le télécharger. Ouais, c'est ça, exact. Mais lui, lui qui va me rester... Le beau sommeil réparateur que t'aurais pu avoir. Exact, c'est ça, là, c'est un crime. J'ai-tu gaspillé vraiment une heure de sommeil pour ça? Parce que ton petit gars, lui, il a quel âge encore, tu dis? Ouais, là, 4 mois. Fait qu'il fait pas ses nuits. Non, puis c'est ça l'affaire. Fait que des fois, là, je change. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ouais. Si vous en avez, à un moment donné, là, ah ouais, mais après ça, non, le bébé qui fait pas ses nuits, ça là, change tout. Parce que ça magane un gars. Ah, puis une femme encore plus. Oui. Je trouve, parce qu'on dirait que c'est souvent elle, d'ailleurs, qui se lève pendant la nuit. Je sais pas si c'est la maternité. C'est la maternité, puis c'est aussi le fait que le gars ne sert pas à grand-chose. Quand il y a de l'allaitement, tu peux aller chercher le petit, changer sa couche, puis donner le petit. C'est comme en support, là, dans le fond. Ouais, là, c'est ça. Mais t'es vraiment en support. Ça finit par être la mère qui se tape la job parce que c'est comme... Ah, mais est en congé de maternité aussi, habituellement. Fait que, tu sais, le matin, elle peut récupérer, tandis que toi, tu vas travailler. T'sais. Fait que ça balance de cette façon-là. Mais tu sais, il y a des types de jeux que je me suis aperçu là, que c'est genre... à partir du moment où tu frappes la paternité, là, c'est comme, oublie ça. Toutes les RPG ont pris le bord. Ben, tous les jeux de 6 heures et plus. Les jeux en plus, les jeux en ligne, tu sais, où t'es en équipe. Tu sais, moi, je jouais beaucoup à League of Legends, tu sais, puis là... J'ai essayé une fois bien naïvement avec le porte-bébé. Je me suis dit, il dort, je vais essayer quelque chose. Là, c'est 7 pour quelque chose qui va être un échec total. Eh oui. Ton bébé se réveille, là, t'es obligé, comme parent responsable, de checker le bébé. Là, ton équipe te crie après, puis t'injure dans le chat parce que là, tu joues plus. Là, t'es comme, ah, qu'est-ce que je fais? Là, ta blonde arrive, là, c'est le pire des scénarios. Ah oui. Ton enfant est pas bien, le monde en ligne taïs. Ta blonde taïs parce qu'elle a l'impression que t'es. Il est responsable, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi du bébé, est-ce-tu? Exact. Fait que là, ce type de jeu-là, tout ce qui est en ligne, là, non. C'est ça que la DS devient le fun parce que tu le flippes, ta game elle reste là. Ça, j'aime là, tu ça. Prends, ça, c'est vraiment. Moi, la 3DS. Ça me sauve pour ça. Hein? Ah, ma PS Vita, je fais juste peser sur le power, ça se met sur sleep. Tu que tu sois dans un dialogue, que tu sois whatever en train de faire quoi, tau, elle ferme. Ah, tu pèses le bouton, elle roule, tu commences là. That's man, j'ai tout le temps de contrôle. Présentement, j'ai ma 3DS puis ma PS Vita qui dorment sur mon bureau. Si je veux jouer tantôt, je le pong, je pèse sur un bouton, je commence. Ça, c'est hot, là. Ben, les consoles portables deviennent ton meilleur ami. Moi je prends le métro. Oui. Puis, ça devient un bon temps de gaming. Si t'es capable d'avoir pas trop l'heure de pointe, là, tu joues collé contre un gros monsieur qui sue, là, c'est pas la meilleure expérience. Puis pogne pas des jeux où t'as des contrôles. Ouais, c'est ça. T'sais, tu joues avec les contrôles de la PS Vita. Là, Mais les RPG 3DS ou Vita, là, ça devient surtout turn-based. Là, c'est pas bien. Ça joue bien dans le métro, dans l'auto. Peu importe là, l'endroit que tu veux. Mais oui. Mais moi, je joue aussi sur l'heure du lunch à job. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça assez pratique. Admettons, là, je bouffe, ça me prend comme 20 minutes, puis après ça, j'ai comme un 40 minutes où je joue à un jeu portable. Moi, on dirait qu'il faut que j'aille prendre l'air, sérieux. Comme face dans l'écran toute la journée, puis là, sur l'heure du midi, la face en train de jouer, c'est tough. Quoique, des fois, je joue aux arcades ici un petit peu, mais rarement. J'ai souvent besoin d'aérer mon cerveau. Ouais. Non, mais moi, man, je suis un vrai rat de cave, là. Quand ah j'étais... ouais, t'es un animal, ça. Ah ouais, quand j'étais jeune. T'es blanc comme un drap. Tu vivais dans ton sol. Ouais, Nick peut confirmer, tu sais. C'était tout le temps comme, on va-tu jouer dehors, on pourrait pas jouer au Atari, ou tu sais. Moi, je voulais tout le temps jouer à un jeu vidéo dans une cave quelque part, là. Ouais, fait que c'est, moi, j'ai comme été habitué à vivre comme ça, puis des fois, c'est vrai que j'ai besoin d'aller dehors, puis. J'ai besoin de mes légumes pis tout ça, mais... prendre des vitamines D pour... Je prends des vitamines. Pas besoin de soleil. Pis... Exact. Non, mais je veux dire, je sors à un autre moment. Tu sais, moi, je fume pas. Ouais. Fait que les 15 minutes de break que tout le monde prend sans arrêt à peu près 10 fois par jour pour fumer une clope, ben moi, je les prends pour justement prendre une marche ou aller dehors. Mais tu parlais du en ligne tantôt, c'est drôle parce que moi, la dernière fois que j'ai joué en ligne sérieusement, j'étais dans un clan. Ah ouais. J'étais dans un clan qui demande beaucoup d'efforts absolument. Qui demande vraiment beaucoup d'efforts, tu sais. Puis finalement je me suis fait abattre totalement parce que j'ai arrêté littéralement là, j'étais comme au milieu d'une game puis on était c'était dans le fond c'était Call of Duty. Mm-hmm. Puis à Call of Duty, c'était comme du 8 contre 8 ou une affaire de même, tu sais. Puis moi à un moment donné, ben j'étais en mode sniper. Puis j'arrivais pour tirer quelqu'un, puis je campais, puis c'était long. Puis à un moment donné, je faisais comme, Chris, jamais personne qui va s'en rendre compte, dans le fond. Puis c'est parti, j'ai enlevé mon casque, j'étais allé m'occuper de ma fille dans sa chambre. Puis là, finalement, j'étais avec ma fille, puis là, ça se réglait pas. Là, j'étais comme, hey, fuck, le clan. Là, je me sentais mal, là, j'étais avec ma fille, ça se réglait pas. Je suis descendu en bas, j'étais déconnecté, ils m'avaient droppé ça, eux autres, puis après ça, ben. Ils décidaient que j'étais plus dedans parce que j'avais lâché trop longtemps. C'est qui t'sais? Eux autres à part de ça? Bande de no life. Surtout, absolument, c'est ça. Il y a un profil type des clan leaders. Ouais. Un gars qui ou une fille. Qui ils prennent ça vraiment au sérieux. Là. C'est ultra sérieux. Eux autres, ils pensent à ça toute la journée. Ouais. Là, hein, puis ils reviennent le soir, puis ils jouent à ça, puis ils se font des scénarios, puis des dessins, man, puis des stratégies, puis ils ont hâte de jouer, puis ils font rien que ça. Ben, justement, par rapport à ça, ils font pas leur lit, puis ils se lavent pas. Ils ont grosse bouteille de coke vide à côté du PC. Ouais, man, elle est pleine à la fin de la soirée. Là. Moi, je trouvais ça très drôle parce que je me disais, mon clan leader, il devait avoir comme 12 ans parce que j'ai jamais parlé, mais il m'avait écrit en texte, « Écoute, dans la vie, il y a du monde qui sont in, qui sont out. » Ben, tout est out! Wow! That's wow, it, man. Ça a été comme la dernière fois. Moi, j'aurais été en tabarnak quasiment me faire dire ça. Ah non, mais moi, il je avait tout, ce petit cul-là, man. Je sais pas. On va le trouver. J'ai aucune idée, comme de fait, t'étais vraiment meilleur que moi, tu sais. Ben, pis c'est sûr. Ça a été comme ma descente après ça des first-person shooters. Là. En multi, j'ai comme complètement arrêté parce qu'en ligne, c'est infaisable avec un enfant parce que. Les gens qui n'ont pas d'enfants s'en rendent pas compte, mais ton enfant, là, quand il appelle, il peut juste pas attendre tant que ça. Non, ils comprennent pas. Puis si l'affaire, tu peux pas dire que... un enfant, attends un petit peu, je fais d'autres choses, puis je vais revenir. Il dit pas, ah, OK, bon, ben tu me reviendras. Non, il gosse. Non, puis tu peux pas non plus dire à ton enfant ou à ta femme, attends un peu, ce que je fais de plus important que m'occuper de ta vie, c'est tuer du monde dans un jeu vidéo. Ah, c'est ça. Avec des enfants de 12 ans. Ouais, avec des enfants de 12 ans, tu sais, qui me bannissent. Fait que, non, parce que pour la blonde, le jeu vidéo, c'est tout le temps genre tes jeux vidéo, là, puis ça passe tout le temps en deuxième. Mais moi, ce qui me gosse aussi, c'est que des fois, mettons, à Metal Gear, t'es dans une belle grosse cinématique, là. Et là, oh, moi, je sais pas faire pause. Moi, chez nous, j'ai pas de sous-sol, mais j'ai deux salons, puis tout mon matos rétro est plugé en arrière, mais ma PlayStation 3 est plugé en avant. Fait que quand je joue à un jeu next-gen, joue en avant. Puis là, je vois Metal Gear, tu sais. Puis moi, je les écoute, les cinématiques, puis t'as pas le choix de toute façon, je pense. Puis là, elle arrive, tu sais, puis elle commence à me raconter une affaire. Là, je me sens tellement mal de dire, attends, là, tu sais, non. Puis là, elle fait comme, là, tu peux pas me mettre sur pause. Elle comprend pas, tu sais, que c'est là, le moment, là. Oh, je vais pas recommencer la cinématique. Je suis en plein milieu, c'est super long. Je vais avoir l'histoire, tu comprends pas, tu sais. Ça clash des fois à ce niveau-là. Ah, c'est gossant, ça. Ça ou une affaire, moi, des fois, ça arrive, mettons, je suis en train de jouer. Puis là, mettons, ma blonde, elle s'en va se coucher, tu sais. Fait que là, elle s'en va se coucher. Fait que là, tu sais, il faudrait bien que j'aille voir ma blonde, tu sais, puis j'aille dire bonne nuit. T'inquiète, tu sais. Faudrait bien faire ça. Sociale de puis coup. Là, quand même. Fait que là, elle monte en chambre. Puis là, je dis, OK, je m'en viens. Puis là, mon bonhomme, il est là. Puis là, c'est comme si c'était une cinématique. Puis après ça, c'est parce que faut que je save, mettons. Faut absolument que je save. Là, j'arrive sauvé. Puis là, c'est une autre cinématique. Puis ça part. Pis j'ai pas le goût que mon bonhomme crève parce que je l'ai laissé là, puis j'ai pas pu peser sur pause, puis il s'est fait batter. Fait que là, j'attends, puis là, ma blonde, ben Bruno, qu'est-ce que tu fais? J'attends que ça save, puis tout le temps, comme, tu sais, dans sa tête, est comme. What the fuck, c'est ça, c'est quoi tes petits problèmes bizarres de gamer, tu sais. Fait qu'on a comme une réalité qui est complètement différente que la réalité de nos blondes aussi. Ouais, ben parce que pour nous ça a de l'importance, tu sais, mais pour eux autres ça n'a aucune forme d'importance. Là, mais t'sais. C'est parce que dans un sens c'est normal parce que oui ça reste un hobby quand même, tu sais, on sauve pas des vies là. Non. Fait que tu sais c'est sûr que je me mets à leur place puis je me dis bon, tu sais, il y a quand même Il y a quand même du bon sens là-dedans, sauf que... Faut juste comprendre qu'on peut pas passer sur pause tout le temps. C'est ça. Sauf quand tu joues rétro. Ça, c'est très pratique, ça, par exemple. Mais je pense que ce que t'apprends, c'est une forme de résilience aussi, tu sais. À un moment donné, tu dis, bon, priorité, c'est clair que c'est des enfants, exact. La blonde. Fait que là, à un moment donné, tu sais, tu changes un peu tes habitudes. Puis comme t'as dit, la PS Vita, la 3DS, ça marche assez bien. Là, tu sais, vraiment. Le fameux clap, là. Ouais, j'arrive. dans ta poche arrière. Puis moi, j'essaye pas non plus de transformer mon petit gars de 6 ans en gamer, vraiment. On a joué à Ice Hockey au NES, il aimait ça, mais il pognait les nerfs, bien sûr, parce qu'il perdait, puis il aime pas ça perdre, il est comme moi. Puis on a joué à Kirby Epic Yarn, on a fini ce jeu-là, on a eu beaucoup de plaisir, mais on a acheté aussi Cars sur la Wii, qui est comme Mario Kart, ça, il a joué à ça un peu. Lego, il comprenait pas trop, c'était compliqué, il y a de la misère avec une manette, fait qu'il joue sur mon ordi à Friv, tu sais, des jeux en flash. Ah, là. Mes enfants, ma fille toutes capote là-dessus. Tous les enfants capotent là-dessus, ces jeux-là. Faut dire que c'est simple, mais c'est tellement boboche. Mais je tiens pas d'en faire un gamer du tout. Non, je le moi force non plus. Pas, mais lui, sa passion, c'est jouer à ces jeux flash-là. Puis les jeux qu'il y a sur mon téléphone. Genre, il joue à Asphalt, là. Ah ouais. Le jeu de course de Game Loft, là. Oh oui. Il capote là-dessus, man. Les chars, tout ça. Il aime tellement les chars. Ouais, l'interface iOS. Beau, hein? Il y a beaucoup d'enfants là, qui trouvent ça intuitif. Puis c'est intuitif quand même. Là, ouais. Ben oui. C'est super bien fait, sérieux. Puis la musique, il y a du Queens of the Stone Age là-dedans. Ouais. Là, puis des espèces de chars de feu. Fait que mon gars, il trippe, tu sais. Fait que c'est ça. Mais il aime beaucoup les tablettes, ces affaires-là. Ça si on avait une tablette chez nous, il capoterait. Mais il faut contrôler ça. C'est ça que je trouve difficile parce que la semaine, il a pas le droit de jouer. Puis la fin de semaine, il a le droit. Mais tu sais, comme s'il fait du trouble vraiment puis qu'il est désagréable, il faut qu'il y ait une conséquence, ben on coupe là-dedans habituellement. Puis on le laisse pas planter là toute l'après-midi à jouer. Là, non. Sauf que tu sais, des fois, t'as... C'est faut fermer la maison, c'est l'hiver qui arrive, faut fermer l'eau, faut ramasser les feuilles, faut mettre les pneus d'hiver. Tu sais, comme faut que tu rénoves de quoi, t'as un dégât d'eau dans la cave. Des fois, t'as pas le choix de sortir un film ou bien l'ordinateur mais pour oui. les plugger un bon bout parce que faut que les choses se fassent, tu sais. Puis ça, c'est un autre problème, ça. Non, puis moi, je pense que c'est correct, ça aussi. Tu sais, moi, je pense qu'on est comme une génération qui s'en fait trop pour toutes. Puis que des fois, c'est pas si pire que ça non plus que les enfants regardent un film, que les enfants jouent à un jeu vidéo, tout ça. C'est pas plus grave que ça. C'est juste, ça dépend à quoi ils jouent, qu'est-ce qu'ils regardent. Moi, mes enfants, j'essaie d'en mettre le moins pour les jeux vidéo, comme je joue pratiquement jamais devant eux autres. Puis si je joue devant eux autres, je vais jouer à un jeu qui est vraiment kid-friendly, là, sans bon sens. T'sais, ça va m'arriver... comme peut-être là, une fois ou trois mois, là, quatre fois par année dans le fond. ça m'a arrivé à peu près quatre fois par année de jouer, mettons, un samedi matin parce qu'on a absolument rien de prévu durant la journée puis je vais jouer à un jeu bien simple comme, admettons, j'avais... Moi aussi, je fais ça des fois, je pars mon S, une petite demi-heure là, entre deux crises. Là. Mais moi, j'avais fait The Last Tinker que j'avais fait à Rétro Nouveau, j'avais fait la critique, t'sais, j'avais joué à ça avec mes enfants puis c'était le fun parce que c'était un jeu qu'ils pouvaient regarder, puis ils pouvaient avoir du fun, eux autres aussi. Puis des fois, mes enfants trippent juste à me regarder jouer. Ouais. Chose qui est quand même le fun aussi. Ben, ça dépend. Toi, c'est du rétro. Ouais, non, mais. Moi, ça ressemble aux émissions qu'ils regardent à Télétoon, puis à des postes comme ça, à Disney, tu sais. Ben, une fois, ils m'espionnaient. Chez nous, on a deux étages, puis mon petit gars, il fait ça. Des fois, il se met sur la marche la plus haute, ouais. tu sais, puis on voit juste sa petite tête dépasser, puis nous autres, dans le salon, on s'en rend pas compte, mais il est là, qui écoute la TV, il a un angle, il est capable, tu sais. Une fois, je jouais à Limbo, puis ça fait un bout. Puis, tu sais, il meurt là-dedans. Là, ouais. Là, fait que là, il a comme flashé là-dessus, ben raide, puis il m'en a parlé pendant un bout. Là, Là, il fallait inventer des affaires de chocolat même, quand la tête partait. Puis là, tu c'était super compliqué, tu sais. Mais oui, ils peuvent rester. Ben, vous avez resté traumatisés, vous autres, sur Fantasmagoria quand vous étiez petit. Ouais, moi, énormément. Moi, honnêtement, je l'ai vu. C'était correct. Ça m'a pas marqué. Moi, Silent Hill, puis j'étais vieux. Là. Ah oui. Silent Hill est un jeu là, que j'ai encore des images là, de genre, oh my god, tu sais. Ce genre de jeu-là, là, c'est clair qu'aucun jeu survival horror va jamais être joué devant mes enfants. Ouais. Parce que, tu sais, c'est des images qui restent. Tu sais, c'est des images puissantes, tu sais, bien faites. Le jeu est excellent. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment pas pour les enfants. Comme, tu sais, les fameux Call of Duty ou Battlefield. Ah, c'est tellement pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les enfants. Fait qu'il faut faire la part des choses. Tu choisis des jeux, tu sais, qui sont un peu plus, léger. Tu sais, Ratchet & Clank est un beau jeu avec des enfants. Oui, exact, c'est exact. Pas une violence, tu sais, les Mario. Tous les jeux de Nintendo. Non, c'est exact. Ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment y a des beaux produits comme ça, là, mais... Mais moi, je pense aussi que quand on est parent, faut aussi jouer au jeu avant d'y jouer avec nos enfants. Parce que des fois, on peut penser qu'un jeu est faite pour un enfant, puis quand on va y jouer, on va faire comme non, là, c'est ça, ouais. ça fonctionne pas. Puis je trouve ça plate parce que moi, il y a beaucoup de monde qui vont me poser des questions sur des jeux récents, tu sais, puis vont faire comme, hey, ça, je pourrais-tu acheter ça à mon gars, tu sais. Moi, il y a un gars qui m'a demandé s'il pouvait acheter Crysis 3 à son petit gars de 9 ans à un moment donné. OK. Puis j'étais comme, tabarnouche. Non, mais c'est parce qu'il faut se renseigner, il faut regarder la cote du ESRB pour voir ça s'adresse à qui. Puis c'est vraiment majeur là, comme problème. La plupart des parents vont pas nécessairement regarder la cote. Il y a beaucoup de parents encore qui achètent Grand Theft Auto pour leurs enfants. Mais, moi, ma blonde est travailleuse sociale, puis elle va dans des familles en difficulté, tu sais. Puis plusieurs enfants, leur difficulté, c'est qu'ils restent chez eux, puis ils sortent pas, puis ils jouent juste à des jeux vidéo. Ouais. Il y en a beaucoup, là. Ils sont laissés pour compte, fait qu'ils font rien que ça. Puis il y en a plein d'enfants qui jouent genre à Grand Theft Auto, là, puis des affaires de même. Mais des enfants de 6-7 ans, tu sais. Ouais, là, ça tue des polices, même ça tripe, là. Puis là, ils sont rendus après ça, ils sont dans la chambre d'hockey. Ouais, comment Grand Theft Auto tue les polices, tu sais. Ça change, ça distorsionne la réalité. Ça fait vieillir les enfants trop vite, man. C'est pas correct, ça, tu sais. Mais c'est aussi que t'as pas de jugement, c'est horrible. Ben non, t'as pas de jugement, tu sais. Tu tues n'importe qui, tu sais, coup de batte d'en face. C'est horrible, là. Ça me fait capoter. Mais j'avais un collègue qui avait une belle approche là-dessus par rapport à, tu sais, lui, il avait un enfant qui était comme un tween, il s'en venait un petit peu plus vieux, là, tu sais. Puis il accompagnait son enfant, tu dis, ouais, tu veux jouer à ça? Pas de problème, je vais être avec toi. Fait que tu joues un jeu un peu plus mature, t'es là, puis tu mets en contexte, tu fais la part des choses, tu fais juste, ok, garde ça, c'est pas la réalité, là, garde ça, se passe pas même, cette explosion-là, tu sais. Parce qu'on a quand même, je pense, notre génération, moi j'écoutais Prédateur, puis Commando. Ouais. Ouais. J'en ai vu de. On a vu de la violence quand on était ici. Fait que, tu sais, ça m'a pas transformé en un tueur sanglant. Non. Par contre, tu sais, ça prend quelqu'un qui dit, bon, mais garde, la fiction, tu sais. Fait que si tu peux encadrer ton enfant dans ce genre de choses-là, t'es mieux de faire comme ça. Que de, tu sais, juste des fois l'interdire, ça va générer quelque chose qui va exactement vouloir le contraire de ce que tu dis, t'sais. Non, mais faut que t'expliques aussi parce que quand il est jeune, tu sais, je dis pas non, t'as pas le droit, je dis ben écoute, tu peux pas parce que telle affaire, telle affaire. Moi j'explique tout le temps pourquoi. Il y a des fusils là-dedans, du monde qui meurt, tu sais, fait que non, il y a pas question de jouer à ça, tu sais. Mais non, on écoutait de la violence hein, quand j'étais petit. Des grosses affaires. Rambo, let's go. Puis moi, j'ai vu Pulp Fiction aussi. Tu sais, le bout là, avec The Gimp, là. Ouais. C'est comme gay sexuel en culage, ce bout-là, man. Puis ça m'a comme perturbé. Mes parents, on avait super écran, nous autres, quand j'étais petit. Puis mes parents écoutaient tous les films qui avaient un super écran. Puis moi, je m'assoyais. Puis j'écoutais ça. Puis ils me laissaient écouter ça. La sexualité, de la violence, n'importe quoi. J'écoutais ça. Je sais un peu qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, avec ça. Waouh, tu sais. Tu sais, en même temps, je suis pas devenu gay aujourd'hui. Non. Puis non, mais c'est pas ça qui aurait fait que tu. Mais c'est des images que je me rappelle, tu sais. Ça s'est imprimé dans ma tête là. Mais tu sais, c'est parce que aussi je pense que le monde était pas le même quand on était petit que le monde est maintenant. Maintenant, t'as Internet, t'as accès à l'information très vite. Ah ouais. Maintenant, les enfants. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont laissés pour compte. À l'école, ils vont sur Internet jouer à Friv, justement. Puis ils peuvent aller sur n'importe quoi, là. Et puis, ils regardent ce qu'ils veulent. Ils ont joué à un jeu sexuel l'autre fois à l'école. de sains, là, tu sais. Puis okay. Avec des vraies affaires, c'était rough. Puis après ça, eux autres, ils capotent, là. Le jeu avec des seins, wouhou, les seins, les seins. Puis à cet âge-là, à 6 ans, ça, le caca, le pipi, les seins, ouais, les pénis, ouais, là, ça parle rien que de ça, là. Ouais. C'est pas des jokes, là, c'est que ça, ouais. Ça les fascine. Des fois, ça se règle pas non plus. Non. Dans le fond, c'est vrai. C'est ça qui arrive. Non, mais ils trouvent ça bien comique et bien fascinant. T'sais, ça fait qu'ils parlent de ça tout le temps. Mais faut faire attention à ça. Non, faut vraiment faire attention à ça. Mais il faut faire attention à ça, mais aussi faut voir le fun là-dedans. Puis, ouais. T'sais, y a du fun à avoir. Avoir des parents qui sont gamers, puis avoir des enfants. T'sais, ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression que les enfants qui ont des parents qui sont très gamers, les kids le sont pas nécessairement pour autant. Puis on dirait que d'avoir accès à tous ces jeux-là. Ouais. On dirait qu'ils ont comme un certain recul par rapport à ça, puis qu'ils sont comme, ben, moi, je vais comme être plus cool que ça, puis je vais faire d'autres choses. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était un peu ça, tu sais, je voyais mon père qui jouait de la guitare sèche sans arrêt, puis je me disais, ben, fuck, non, je jouerai pas de la guitare. Tu sais, c'est venu avec le temps, un moment donné, mais tu sais, comme mon père capotait ses Beatles, fait que moi, j'étais comme, non, c'est de la merde des Beatles, puis j'ai écouté The Monkees à la place. C'est juste pour la twist, tu sais, tu veux tout le temps défier l'autorité parentale. Fait que tu sais, je me dis, ça a peut-être un bon côté aussi, le fait d'être aussi gamer, puis d'avoir des enfants, puis d'être conscient de ça. Peut-être que ben, moi, mon gars, quand il va dans le salon en arrière, il y a un mur complet de jeux. Toi, ça a pas de sens. Puis là, je viens de me rentrer une armoire Nintendo. Puis pendant la nuit, là, tu sais, comme vendredi soir, j'ai frotté ça, je l'ai tout seté, j'ai mis mes jeux dedans. Puis le lendemain matin, quand il s'est réveillé, puis t'es allé dans le salon pour jouer au hockey, tu sais, parce qu'on joue tout le temps au hockey là. Là, il a regardé l'armoire, il a fait, hein? Puis il a continué à jouer. Le gars, il a en fait pas de cas pantoute. Il est entouré par des milliers de jeux vidéo. Wow. Ça l'intéresse même pas, tu sais. Il veut pas. Ben tant mieux, parce que il joue au hockey, puis moi je coach son équipe de hockey. Fait que ouais. Le moment qu'on a ensemble, ouais. C'est des moments de hockey, puis j'aime ça. Fait que ça, c'est cool aussi, tu sais. Il est pas obligé non plus. Non, il est pas obligé du tout. Puis c'est correct. Peut-être son frère va aimer ça. Aucune idée, mais je force pas, tu sais. Peut-être la dernière affaire je pourrais mentionner, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Quand tu deviens parent, disons, tu as comme une période de grâce pendant que ton bébé est vraiment, vraiment très jeune puis que c'est ton premier. T'sais. Ouais. Moi, je me rappelle quand ma fille est née, on a eu une période où on a joué pas mal à Ni no Kuni, en fait, qui est un beau jeu. Tu vas pas jouer, profite pas de ce temps-là pour jouer justement à Call of Duty ou un Silent Hill ou Resident Evil. C'est un moment de tendresse. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu dis, je vais jouer un beau petit jeu, le fun. Qui je peux mettre pause tout le temps, puis tu sais, comme, mais ton enfant va dormir beaucoup, fait que tu sais, je dis, profite de cette espèce de peut-être 3 mois-là qui va durer pour genre te donner des réserves pour un petit bout, parce qu'après ça va être off, là. Ouais. Fait que tu sais, utilise ce temps-là, tu sais, la fin de la grossesse et début de l'enfance, là, de la vie de l'enfant, tu sais, comme ça, c'est. C'est un peu comme l'après-balle de finissant. Avant le sérieux du cégep. Ben parce que les steps, là c'est bien beau, le congé de maternité puis tout, mais quand ça finit, là, t'as le premier stress de ça va être quoi la vie quand nous deux, on va travailler. Ouais. Ouais. Et après ça va être quoi la vie quand l'autre va quand le petit va rentrer à la garderie. Ouais. C'est différent, faut que t'ailles le porter une place le matin. Ah, il y a plein de stress. C'est tout le temps du stress réajustable qu'il faut que tu refasses la routine, Là, d'un coup, t'en as un deuxième, toi, chose. Ouais. Comme, fuck, tu sais, merde, j'ai un petit peu peur là quand on va recommencer à travailler. Fait que en tout cas, c'est ça. Faites pas d'enfants si vous avez pas le cœur solide. Je sais pas pourquoi je disais ça. Tu t'as dit quoi qui me faisait penser à ça? Ben non, mais c'est parce que moi, faut que tu t'adaptes, en fait. Faut que tu t'adaptes tout le temps. Puis mon premier, moi, il dormait pas. Jamais. Il a jamais fait de sieste, tu sais. Okay, wow. Fait que j'avais aucun temps. Puis il a fait ses nuits à 11 mois. Hey, la sieste, moi, ça, c'est un gros moment de gaming. Ah oh, non, c'est ça, la sieste. Qui commence à disparaître totalement. Là, les enfants vieillissent, puis ça s'en va. Là. Exact. Fait que les enfants sont différents aussi. Moi, mon deuxième, fait ses nuits tout de suite, fait des grosses siestes. Il peut dormir tout un après-midi, mais le premier n'a jamais dormi. Fait que c'est ça, c'est différent l'un de l'autre. Oui. Non, c'est très différent, puis c'est pour ça que, comme c'est ça, moi, j'ai introduit dans ma vie comme mon week-end de chasse, qui est dans le fond, les auditeurs de Rétro Nouveau, sachez quoi, c'est le week-end gaming. Que je 3 jours à tremblant à faire le party puis à gamer. Exact. Qui est une affaire qui n'est pas ouverte au public. C'est moi puis mes chums. Puis c'est comme mon voyage de chasse. Je me dis, crime, mes parents, tout ça, il y avait des voyages de chasse, des voyages de pêche. Ben moi, c'est ça que je fais. Puis ça fait du bien de faire ça. Je pense que tous les parents devraient faire ça. T'sais, devrais-je, comme ben, un moment donné. Une pause des enfants, ça fait du bien. Une grosse pause, puis tu fais ce qui te fait le plus triper. Là. Ah ouais, envoie ta blonde au spa, puis toi, tu pognes un autre week-end. Si vos parents peuvent garder là, ou quelqu'un, là, ça serait. Ben oui, certain. Prenez le relais, ça, c'est important. Quelqu'un dans le chat dit ça donne pas vraiment le goût d'avoir des enfants, Caroline. non, c'est merveilleux, ça vaut la peine. Quand on a des enfants, on se plaint tout le temps, tu sais, de comment c'est rough puis tout ça, parce que, tu sais, mais on prend jamais le temps de dire ce qui est le fun puis ce qui est beau, tu sais. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, qu'on est fatigué, peut-être. On pourrait bien vous parler de la beauté d'avoir des enfants pendant une heure, mais ben ça oui, fait, certain. Ouais. Je sais pas, c'est moins mais vendeur. Non, mais... Parce que le monde, ils peuvent pas comprendre. Tu vas dire, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Ben, d'une certaine façon, oui, mais d'un autre côté, c'est une chose quand même très difficile à faire. Oui. Fait que c'est très beau, c'est très dur. Les premières années, c'est dur sur le couple, c'est dur sur ton moral, c'est dur sur ton sommeil. Tu perds, comme il y a plein de choses que tu perds. Exact. Mais il y a plein de choses que tu gagnes en ayant un enfant parce que ton enfant, c'est comme ton double. Puis il t'amène ailleurs. C'est de te voir d'en face. Puis de le voir grandir. Puis les premières choses qui arrivent, tu sais. Mon petit gars de presque 2 ans, là, il met 2 mots un à côté de l'autre. Ouais. Un à côté de l'autre. Fait que là, ça, c'est hot, là. On dit, hey, Eugène, on va dans le bain. Il dit, non, bain. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais. Non, puis moi, ma fille est rendue. Toi, ton plus vieux, quel âge, non? 6. C'est ça. Ouais. Ma fille aussi a 6 ans, puis c'est le fun, parce que j'ai des grosses discussions avec ma fille, des affaires longues, là, puis on a du fun, puis on trouve ça drôle, puis. C'est pas des discussions des affaires intelligentes pis tout. Mm-hmm. Pis ça, je trouve ça le fun. Moi, c'est ça que j'attendais en ayant des enfants. C'était comme jaser avec mes enfants, d'échanger avec eux autres pis de vivre vraiment. Ça vient un petit peu plus tard. Une vie de famille, c'est ça. Aussi, là. Parce que moi, j'ai souvent dit, pis je m'en suis jamais caché, avec ma blonde, c'était comme moi, si mes enfants pouvaient avoir comme 4-5 ans direct en partant, là. Je triperais au bout parce qu'au début, c'est là que je trouve ça hardcore. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment dur. Pour le père, les premières années, là, c'est un peu plus difficile. Ouais. Le père prend sa place plus tard. Exact. Ton interaction a grandi. Là, c'est ça. Mais je pense, une des affaires, faut juste dire aux gens, c'est un classique, là, mais si t'as juste à être prêt. Faut que tu aies fait ton cheminement. Ouais. Si t'es prêt, ça va aller super bien. Puis, tu sais, oui, ton moi, j'étais pas prêt pendant tout. Mais je me suis adapté quand même. Mais tu vois, moi, j'ai eu ça sur le tard. Là. On regarde, tu sais. Nous autres, on était les premiers dans notre gang à avoir un enfant. C'est vrai, vous autres, dans c'était pas prévu, mais tu sais, c'était désiré, mais je dirais, on aurait peut-être attendu un petit 2 ans encore. Ouais, mais tu sais. Mais cela dit, aujourd'hui, je suis content, il est vieux déjà. Puis, on trip. Mais disons que toi, mettons. Tu vas avoir 10 ans où moi je vais avoir mes enfants à la maison, toi tu vas être un vieux retraité qui fait tes affaires. Je vais être au chalet en train de boire de la Pabst Blue Ribbon. Pendant que je vais convaincre mon jeune de passer le journal. Puis... mais non, il y a des avantages, mais non, c'est ça. Faut que tu sois prêt. Puis, oui, il va y avoir des sacrifices à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, ben oui. Tu sais, ultimement, là. Je pense que la solution secrète, c'est bon, coupe dans le sommeil. Pratique-toi à pas dormir tout de suite. Puis... Ouais, ça va se faire exact. Seul, toutes ces années de gaming de nuit, il te prépare à quelque chose. C'est fini. Ouais, c'est ça. Il prépare à ça, la paternité. Ou la maternité. Puis aussi, quand t'as des enfants, c'est là que tu peux comprendre mon point que je ramène souvent à Rétro Nouveau, que c'est le fun en maudit des jeux qui sont courts. Que ça, là, tu les apprécies là, sans bon satisfaction sens. Satisfaction de finir quelque chose. Là. Ben exact. Bon. Parce que ça peut t'arriver là, quand t'as des enfants de commencer un jeu que t'avais acheté neuf. Puis à un moment donné, ben justement, l'attrait de la nouveauté, t'achètes un nouveau jeu, puis là, l'autre jeu qui était neuf, que ça fait juste 3 semaines, ben tu joues déjà plus parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Puis tu veux jouer à la dernière affaire, puis là, t'es pogné parce que là, t'as pas de temps, puis. Fait que tu sais, mais tu t'adaptes. Ah ouais. Je regarde ma copie Xenoblade Chronicles que j'ai investi 120 heures là-dedans. Tu sais, c'est comme. Ouais. T'as ça, toi, garde-les. Ça prend beaucoup de valeur, ce jeu-là. Je le garde. Mais c'est un superbe jeu, d'ailleurs. Là. Exact. Il ressort en 3DS. Là, ça sent bien. Ah, mais tu regardes juste ce nombre d'heures-là. Là, c'est comme. Pas vraiment une option. Là, ça veut dire 2 ans et demi. Ah non, c'est ça. Fini le temps où est-ce que je grindais mes bonhommes au niveau 99 à Final Fantasy, rien que pour le plaisir. C'est plus possible. J'essaie de finir au niveau 35. J'essaie de clencher ça au plus vite. Là, genre, j'achète la potion à la place puis je me heal. Non, mais c'est ça. Fait que. Il s'en vient tard. On est fatigués, nous autres, les pères. Mm-hmm. Ah ouais, on va faire. On va aller jouer des jeux vidéo. Ah non, hey, pas moi. Ouais, sûrement pas. Non, mais je dis ça dans le sens que c'est ça que je me dirais présentement. Être chez nous, puis là, je pognerais ma manette, j'ouvrirais mes affaires. Mm. Puis tu m'endormirais. Je m'endormirais, tu sais, que je me ferais. Souvent, c'est ça qui arrive aussi. Tu t'endors, et puis là, c'est ta manette qui te réveille parce que ta manette, elle vibre, ou justement, ça fait un bout que ton bonhomme se fait battre dans la face sans arrêt. Ça, ça m'arrive tellement souvent. Ou, admettons, je joue souvent avec la PSP. Pas la PSP, la PS Vita dans mon lit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de quoi qui a shaké à terre, mais solide, là. Non, mais c'était moi. Ok, ah, ok, c'est toi qui prends ta chaise, j'ai fait le saut. On pense qu'il y avait des fantômes. C'est ça. Un rat. Non, mais c'est ça. Bref, il y a deux consoles de choix dans le lit. Il y a la PS Vita et la 3DS. Puis quand tu t'endors avec une de ces consoles-là, la PS Vita, c'est pas trop pire parce qu'elle me tombe à peu près sur le menton. Mais la 3DS, à cause du flap, ça me tombe direct dans les yeux quand je m'endors. Pis ça fait vraiment comme. Fuck! Oh! Aïe, aïe! T'as des drôles de problèmes. Ouais! C'est que ça, c'est le genre de problème que j'ai. Tu me fais penser à Michel Tremblay qui disait. Ouais, c'est ça. Non, faut que je m'habitue à jouer sur le côté. Ah, comme avec ça. La Vita, ça va mal. Faut comme tu mettes un coussin entre tes deux bras ça... pour avoir la bonne distance. Mm. Avec la 3DS, ça marche, mais c'est comme. Ça dépend quel genre de jeu. Comme là, j'étais à Fantasy Life, ça joue quand même bien dans un lit, mais Fantasy Life, ça endort un peu. Ben, c'est très lent. Ah, c'est... Fait que. Bruno Georgin, un vrai de vrai gamer. Joue jusqu'à ce que son corps lâche. C'est littéralement ça, mon exact. Gars. Sérieux, là, c'est triste à quelque part parce que si quelqu'un me filmait, il me disait « Calisse, man, arrête de te faire violence. » Qu'est-ce que tu fais à ton corps, tu sais? Prends des vitamines puis va te coucher, tu sais. Exact. Fait bon, ben, on va closer ça. Ça fait une bonne discussion déjà. Ben, ça fait une très bonne discussion. Ouais. Ça fait un bon podcast. Ouais. Fait que merci à tous. Ouais. Ben oui, merci à tous. Là. Allez écouter Retro Nouveau TV 7 qui est sorti ce matin. Oui. Oh yeah. Puis, plein de bonnes chroniques, des nouvelles chroniques. Oui, des oui. Critiques en 10 secondes, allez voir ça. Très, très drôle. Les gars jouent à Night Trap. D'ailleurs, on a oublié de mentionner quelque chose dans le montage. On a vu en faisant des recherches sur Night Trap que les actrices de Night Trap ont fait plein de soft porn après. C'est comme des actrices de Bleu Nuit un peu là-dedans. Exact. Là. C'est là que ça mène. C'est assez génial. Ça. C'est ça qui t'attend après Night Trap. Fait que c'est tout pour les fun facts. Oui. Excellent. Bon, ben. Génial. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Puis on se revoit bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao. Retro Nouveau.